Bonsoir tout le monde, vous écoutez Assez Solide sur Indestar, il est 21h, on est lundi soir et c'est parti. Bonsoir, bonsoir. C'est l'histoire d'un loup et d'une poule. Oui, blabla, le loup rentre dans le poulailler, mange le grain de la poule, il s'étouffe, la poule veut le sauver en passant par son derrière, elle reste coincée à l'intérieur et ça fait le loup-poule. Ah, tu connais l'histoire? Bien sûr, moi aussi j'écoute Actu Solite. 2 heures de grand n'importe quoi, c'est Actu Solite. Maintenant sur Indestar, bienvenue. Et ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Eh hey, quoi. On dit quoi dans la ville de quoi? Non pardon, c'est dans Pulp Fiction. Ah ok, très bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes sur Indestar, vous le savez, hein, jusqu'à 23h, c'est Actu Solide comme tous les lundis soirs, c'est votre grand défouloir. Et on se fait plaisir tous les lundis avec une somme de plein de choses, avec Jojo. Bonsoir. Joachim ? Ah non. Non, c'est Jojo. C'est Jojo, c'est Jolan. Jojo, il est à 20h30, 21h le jeudi soir. Exactement. C'est Nono, c'est ça ? Ouais, appelez-moi Nono, c'est plus Nono, ça. Non. Ça fait non, Nono. J'aime pas, je préfère Jojo. Ouais, Nono. Jolan. Non, mais c'est mon surnom dans tous les jeux vidéo. Ouais, mais Pecno. Ouais, mais... Teddy ? Ouais ? Ça va ? Bon, ouais. Ouais, et tu nous as réservé une expression de la semaine ? Non. Parce qu'on l'a zappé, tellement de fois. Parce que moi, je me suis marqué, tu vois, cette semaine. Je me suis dit, non, faut que je pense pour à. Pour une fois qu'il l'oublie pas. Mais oui. Ouais, j'avoue. La seule fois qu'il l'oublie pas, du coup, il l'a noté. Moi, je l'ai pas fait, du coup, parce qu'on l'a oublié tellement de fois. Tu as passé un bon week-end, une bonne semaine? Eh ben, franchement, un week-end mouvementé, et je crois que t'en sais quelque chose. Ouais, on a tourné. Effectivement, on dans a les tourné. Caves. Alors, pas en rond. Dans les caves. Oh non. Non, on a tourné dans c'est les champs. C'est pour ça que t'as mal au... Pardon. On a tourné dans un château. On a tourné dans un hôpital. Eh ouais. On a fait des choses. On pouvait plus de tourner. C'est ça. Belle tournante. Bah, c'est bien. Mer. Non, c'était sympa. On a fait un tournage donc vidéo hein, pour un court métrage qui sera bientôt diffusé sur tous vos écrans de cinéma. C'est ça. C'est ce qu'on m'a promis. Oh, vos écrans de cinéma. Oui, il sera diffusé au studio à Tours aussi, notamment à Tours, ah ouais en Indre-et-Loire. Oui, oui. Et puis à Paris, hein, bien sûr, ça va être la place de la Défense en... Non. Peut-être pas. Ça dépend du succès qu'il obtient. Ça dépend si nos monteurs sont bons. Voilà. Oui, effectivement. Parce que, voilà, et puis, parce que... Non, t'as pas joué dedans, toi, non, Teddy. Par contre, il y a Clément, j'ai vu de la lumière qui a joué. Ouais, et moi aussi, hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai poussé un fauteuil roulant. Alors on me voit de dos. Ah, je t'ai vu. Mais non. Bah non, t'as pas vu. Si, vous avez mis des photos sur Facebook. Ah oui. Parce que t'as pas pu avoir vu le film. On me voit pendant environ 2 secondes. Si c'est pas coupé au montage. C'est toujours mieux que zéro. C'est pas faux. Non, c'était chouette. J'ai fait de la figuration. Exactement. Et j'ai fait ce qu'on appelle de la régie aussi, qui n'a rien à voir avec la radio. Donc régie, c'est t'apportes à manger, tu montes le barnum, tu descends tu le barnum, fais tout ce qui est logistique. Tu as fait ce que fait Teddy de base. Ouais, on l'a fait à deux. Hein, on était plusieurs. On était grosse équipe. Hein. Ah ouais, grosse équipe de régisseurs. Il y avait au moins 15 personnes sur le tournage, attention. Ouais. Et régisseurs, on était 2, 3. Bah, tous ceux qui voulaient aider, ils aidaient. Ouais. Il y avait des HMC, des HLM, des HBR. Ouais, c'est... HMC, c'est habilleuse, maquilleuse, costumière. Voilà. Ah bah c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux chers auditeurs. Mais oui, mais je ne savais pas justement. Je disais qu'il y avait des HMC, mais je ne savais pas ce que c'était. Ah, okay. Après, j'ai vu qu'ils peignaient les gens. Je me suis dit, bah, ça doit être tout ce qui est maquillage. Ils font des Picasso sur les gens. Bah, c'est un peu ça, parce qu'on a fait une geisha. Alors forcément, on a mis de la poudre blanche. La peinture blanche. Une geisha Ouais, une geisha. Tout à fait. C'est quoi? C'est. Non, mais c'est une boule. C'est... Non, alors, oui. C'est... Oh non, pas ces boules là. On va dire les boules de geisha, c'est autre chose. Une geisha, c'est dans la culture japonaise, tu sais, les kimono. C'est celles qui sont blanches là. Bah ouais. Bah oui. D'où non, la poudre blanche. Je vois ce que c'est du coup. Un peu comme dans Mulan. Ouais, c'est ça, ils apparaissent des fois des geishas dans Mulan, effectivement, mais... D'accord. Elle est vivante encore elle. Antoine, t'as tourné ce week-end? Non. Bon, t'as vendu ta moto? Ouais. T'es content? Oui. Ouais, moi je trouve bien, j'ai la voiture cette semaine. Tu l'as quoi? J'ai la voiture cette semaine. Oui, parce qu'Antoine passe du 2 roues à 4 roues, tu vois. Il fait l'inverse de l'homme qui était sur ses 4 pattes et qui finit sur ses 2 pattes. C'est dans Taxi, ça. Tu répliques. Je me disais, cette référence me parlait. Mais c'est bien, tu vas enfin avoir une voiture où quand il pleut, tu pourras la prendre, quand il neige, tu pourras la prendre. Tu verras le bonheur que c'est d'être au chaud. Quoi. Surtout l'hiver, enfin partir voir mes grands-parents. Et là, il va dire, non, panne de chauffage. Et ça coûte 200 balles à faire réparer. Demande à Amélie, tiens. Ouais, c'est la même voiture, tu vas trouver une Saxo. On va monter un club. Ouais, un club de Saxo. Peter, j'ai vu une autre DRU tout à l'heure. Ah oui, non, mais ça, c'est pas genre, c'est un budget, ça. T'as un parent, il vient chercher son enfant à l'école primaire. En Audi R8 ? En Audi R8. Bah, y'en a qui ont les moyens. En même temps, s'il a que ça comme bagnole. Ah, le problème, c'est que sa femme était dans le coffre. Pas la place. Mais dans le coffre, y'a pas le moteur. C'est donc ça que j'ai vu sur le capot. Et bah, si. Bah, le coffre est à l'avant, alors. Le coffre est à l'avant ? Oui. Ah ouais ? Joli, Jolan. Tout à fait. Et ça se dit expert, je rigole. Anaïs ? Mais écoute, j'étais l'anniversaire de ma mamie. Oh, oh, elle a eu quel âge? D'accord, donc je reste sur bien de toi. Trop vieille pour savoir. Entre 70 et 90. Ouais. Ouais. Ouais. Ok. Moi, je sais plus, je crois. C'est sûr, c'est plutôt 68. Voire 100. Je crois elle est née en ouais. Ouais. Ouais, c'est... ouais, ouais, ouais, ouais, on va dire 60. Je crois elle est née en 62. 52. 52, ouais. Donc 52, ça fait 48 plus 20. C'est facile à compter, ça fait 68. Ah, 68 ans. Elle n'a que 68 ans, ta mamie. Je suis pas sûre. Oh, mais elle est jeune. Oui, elle est jeune. Putain, elle a été jeune. Et elle était, elle était contente, vous lui avez offert quoi comme cadeau? Un plaid, des bougies. Un plaid, ça fait vraiment grand-mère, ça. Bah, elle, elle ça aime fait grand-mère, je veux faire un... Bah, après, c'est ma grand-mère. Oui, bah ouais. Mais genre, elle aime trop se reposer sur son canapé, et... faire des siestes et tout. Ouais, bah, une grand-mère, ça va pas faire au chaud. Je suis pas d'accord, un plaid, ça fait pas grand-mère, parce que ma sœur, elle a 23 ans, oui, je veux faire un plaid, donc ça fait pas grand-mère. Tu sais pas quoi prendre. Ta sœur fait peut-être grand-mère. Ah non, non, non. C'est qu'elle adore les plaids. Moi, je lui ai offert un... Une fleur. Un bonsaï, ouais. Ah, bonsaï. C'est les trucs chinois, ça, non? Ouais, ouais, bah ouais. C'est un arbre. Ma grand-mère, merde, elle fait qu'on s'occupe. Je sais pas, t'as de internet. Ouais, mais ça, t'as pas besoin de beaucoup d'emploi. Ouais, t'as pas, pas de mode d'emploi pour un bonsaï. De temps en temps, quoi. Tu mets un peu d'eau, tu tailles des petits points. Déjà, la fleuriste, elle a dit aux personnes de devant, elle a fait, bah écoute, sur internet, il y a des trucs. Ah ouais, fleuriste qui s'en bat les couilles. Carrément, tu dis pas ça quand t'es fleuriste en vrai. Bah non, justement. Ça fait pas du tout professionnel. Bah non. Alors, ah bah oui, on vous vend un truc, par contre, vous vous démerdez. Ah bah elle a quand même expliqué, puis les gens ils font ouais, pantaillage, tout ça, ils font au pire, vous allez sur internet et puis. Il y a des tutos sur internet. La meuf, on a strictement rien à foutre. Quoi. C'est moi, je dis, on va grandir. Mais c'est à mon avis, c'est à part le copassionné. Qu'on fasse de la mauvaise pub, non, je déconne. C'était. À part le copassionné de jardinage chez moi, aux autres, allez voir sur internet. Et je peux dire un truc? Ouais, non. Mon fou, il a dit oui. Ce matin, j'ai été emmené Antoine. C'est nul, hein, mais voilà. J'ai été emmené Antoine où? À son boulot. Pourquoi? Ah bah oui, parce qu'il a ni deux roues ni quatre roues. C'est ça. Ouais. Et j'y suis allée avec ma petite combinaison pyjama licorne. Attends. T'imagines le contrôle de gendarmerie. Tu veux dire je suis pas en tongue. En voiture, t'avais ton pyjama licorne. Oui. C'est pas un pyjama, c'est une combi licorne. Tu sais, une combinaison là. Ouais, mais avec c'est la tête de licorne. T'as une combi licorne. Ouais, mais j'ai pas mis la capuche. Ah, t'as une combi. J'ai une combi licorne, ça m'est déjà arrivé. J'étais venu récupérer les clés chez lui, je le voyais, il était en combi licorne. Ouais, non, mais c'est un concept. Je sais pas ce que vous avez avec les licornes. Bah, attends, je l'emmène à 5h, comme ça, après, hop, je range, je vais me coucher direct. Mmh, tu vois. En fait, ça te permet de pas utiliser tes autres fringues. Ouais. Aussi, ouais. Comme ça, quand tu sais pas combien, tu mets ta combi licorne, t'es tranquille. Ouais, mais si ça te sert de pyjama, si tu peux le garder 2 semaines. Là, tu dis, ils se foutent de ta gueule, les flics. Un peu, ouais. Je pense. Franchement, tu dis que tu vas avoir le costumé. Même à 8h du mat, ça passe. T'es emmené au commissariat. Ouais, ils vont faire souffler dans le ballon à 8h du mat. T'es emmené au commissariat en combi licorne. La c'est classe internationale. Là dans la cellule, là, tu te fais charrier. Non, tu passes dans la cellule. Alors, en Indre-et-Loire, dans les infos que tu as solides. Non, mais il y a Robert qui est dans la cellule. Lui, il attend qu'une chose. Robert. Ah bah Robert, il t'attend dans la cellule. Je veux pas aller avec lui dans la cellule. Je veux fourrer la licorne. C'est qui Robert? Bah Robert, c'est celui qui est toujours en cellule avec toi quand tu vas en cellule de dégraissement. C'est celui qui t'attend. Alors Antilo, alors comme ça, c'est habillé en licorne. Tu sais ce qu'on lui fait moi, licorne? Tu sais ce que j'ai. Hein? Bon, voilà. Je lui fourre la corne. Ça c'est Robert. Ok. Voilà. Je vais te montrer ma corne, tu vois ce que t'en. Bon Amélie, comment elle va? Bah mal. Ça va et toi? Bon, bah ça va bien. T'as exactement la même voix qu'Anaïs ce soir. Ouais. Jumelles pas. On n'est pas jumelles pour rien. En fait, Amel, elle est pas venue parce que elle m'a dit si je viens, elle je vomis. Elle est malade et elle a chopé le corona. Ouais. Arrête. J'ai dit ça dans le groupe. Elle a pas répondu. Petit teasing pour la semaine prochaine parce que vous savez que chaque semaine on fait une chanson dans Actu Solide. Alors tout à l'heure, on aura une bien belle chanson à découvrir. Et la semaine prochaine, ou peut-être la semaine d'après. Hein, ça sera peut-être la semaine d'après. Mais on aura une chanson sur le coronavirus. Mm. Voilà. Parce que actualité, hein, BFM TV et tout là. Faut bien qu'on chante. Ah, ouais. Faut bien qu'on s'exprime de. Bah oui, hein, on a notre mot à dire aussi sur le coronavirus. Y'a hein, pas que la chanteuse ou que la bière qui ont le droit de s'exprimer non plus. Bon, n'est-ce pas? Donc Amélie qui sera de retour très prochainement sur vos ondes préférées. On a par contre remplacé Amélie par un invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, on t'entend. Allez, vas-y, parle près du micro, voir comment ça donne. Bonsoir. Ah, on t'entend peu, c'est bizarre. Moi j'entends juste la fin. Vas-y. Bonsoir. Ça vas-y. Bonsoir. Ah, ah, vas-y, refais. Attends. Bonsoir, ouais. Vas-y. Ah, on l'entend plus. On là. L'entend plus. Ça marche très bien avec moi. Vas-y, donne-lui, et là, ça marche plus. Bon, comment tu t'appelles? Thomas. Mais ça marche pas, c'est infernal. Parle à sa place. Tu veux le micro? Ok, c'est Thomas. Ouais. C'est vous, ça. Essaye de frapper dessus, là. Ouais, là, ça marche. Hein, Thomas? Thomas. Ouais. Ah, oui, c'est bon. Bon, on va rester comme ça. Garde cette position-là. Lynch, tu vas avoir une crampe à la fin de Lynch. Il va me dire plus jamais je reviens là. Ami de Jojo, c'est ça? Oui. De Jolan. De Jolan, s'il te plaît. C'est ta première fois en radio? C'est ça. Dépucelage radiophonique ce soir. Pour, mais non, mais c'est bien, c'est bien. Peut-être que tu participeras au record de tout à l'heure parce que tu vas jouer avec nous, notamment au multi-quiz qui arrive dans un instant. On a des questions à poser avec trois possibilités de réponse. Tu vas avoir une petite ardoise avec toi. Et si tu arrives à avoir beaucoup de bonnes réponses, tu serais épargné du record. Ou tu auras le droit de le faire si tu as envie ou pas le faire si tu as envie. Ce sera toi qui choisiras. Par contre, dans le cas contraire, tu seras obligé de participer à ce record sportif qui va être organisé. Oh, ça va. J'aimerais bien que ça tombe sur toi, Théo. Ouais, pourquoi donc? Bah, non, parce que t'es un peu mort. Quelqu'un de très sportif. Tout cassé avec le Barnum dont je parlais tout à l'heure. Là. Notre producteur, notre réalisateur Thomas qui nous dit: alors le Barnum, vous allez me le monter là-haut sur la terrasse, un truc qui pèse 40 kilos. Et il a pas du tout une voix comme ça, Thomas. Non, mais j'imagine. Bon, alors tu te le montes sur la terrasse et puis après. Oh ouais, non, mais bah, finalement on va plutôt le mettre en bas. Donc tu redescends le truc, on l'installe, il pleut plus. Oh, oh les boules. Bon, parce que c'était pour éviter la pluie sur le tournage. Et eh ben ça servait à rien. Voilà. Au bon, moins il était installé. Oui, il était installé. On a vu qu'il savait très bien, enfin qu'il pouvait se monter, se démonter. Voilà, on est très contents. De quoi on n'a pas parlé ce soir? Bien sûr, on aura les histoires qui seront vraies ou fausses, hein, à découvrir. Ça. On aura une manifestation insolite. Exactement. On aura un mode de vie insolite. Tout à fait. On aura de la musique. Une chanson. Oui. Ouais. Ah, la chanson. Ouais. Oui, de tout à l'heure. Bah, j'en ai vite fait parler, mais alors. Ça sera non mais je garde le suspense. Okay. Il va falloir être très attentif d'ailleurs. Par contre, si vous êtes sur la page Facebook de la radio, sur la page Facebook Indestar, à rejoindre d'urgence hein, si ça n'est pas fait, vous pouvez écouter celle de la semaine dernière, celle de sur Actu Solite, les démons d'Indestar de midi. Et de quoi? Les démons de midi. Les démons de midi, ouais. <C'est>, parce qu'on n'est pas matinal, ok. Mais non, c'est à découvrir ou redécouvrir, chanson sur Actu Solite qui tisse très bien cette émission, je trouve. Ouais. Et sans oublier l'objet insolite. Oui, l'objet mystère. Ouais. Vous avez été nombreux d'ailleurs à voter cette semaine, mais vous pouvez encore le faire jusqu'à qu'on le découvre tout à l'heure dans le top objet. On a tout dit? On a à peu près fait le tour là. Non, on n'a pas dit quelle musique on va lancer après. Ça, c'est pas ouais. Faux. On l'aime bien en plus. Numéro 1 en ce moment des charts Indestar, Tiffany Alvord avec Selfish, son nouveau single à découvrir Selfish. Maintenant. C'est parce Selfish, qu'elle a une tête de poisson ou... Ouais, c'est ça. Après un selfie avec un selfish. Avec un poisson, ouais. Ou alors, non, elle ressemble à un poisson. Non, c'est parce que Tiffany Alvord, c'est du gros poisson. Ils sont nombreux, ils parlent en même temps et rigolent fort. C'est Actu Solide sur Indestar. Ouais, alors on parle pas si en même temps que ça, non plus. Bon, on entend toi. Si. On entend que moi, oui, tu parles trop fort. Ouais, donc je parle pas en même temps. Parce que je parle pas en même temps que moi-même. Tout va oui, bien. C'est vrai. Par contre, on écoute de la bien belle musique sur Actu Solite et sur Indestar. Oui. Oh. Allez, encore. C'est un truc de boomer, comme dirait Teddy. Boomer, puissance 10. Mais je connais pas. Année 20. C'est pas. Non. Alors, il est très mal encodé en plus le son, donc il paraît quand même beaucoup plus vieux que ce qu'il n'est. Il est dégueulasse. C'est vrai qu'il est dégueulasse. Mais ça rentre dans la tête. Piu piu petit poussin. Bah, vu qu'il est tellement dégueu. Mais non, mais ça s'entend pas à la radio. C'est que de l'image. Bon, le multi-quiz, comme chaque semaine dans ActuSolite, le principe est simple. On a des ardoises, on a des stylos, on a des questions. Et avec tout et ça, des réponses. Et on a peut-être même des personnages qui sont venus dans les studios. Mmh. Et on essaie de répondre à ces questions le plus justement possible en notant la réponse A, B ou C selon les propositions qui nous semblent exactes. Du coup, c'est Joanne qui commence et du coup, c'est vrai son histoire. C'est A, B ou C. Attends, en ce moment, il fait défaut. Hein. Ouais, c'est pas faux. Ouais, c'est plutôt vrai. Alors, Jolan, est-ce que tu as quelqu'un avec toi? Non. D'accord, tu es tout seul. Non. Oui. Okay. Je suis seul. Tu es venu avec ta bite et ton couteau. Enfin, surtout ton couteau. Vas-y, je t'en prie. Alors. C'est il y a tellement de sous-entendus après ce que je veux dire. Non, mais non, vas-y, fais. Une dame met un objet dans sa bouche, tu vois. Voilà, pourquoi ouais. je dis ça. Elle traînait, non, non. Elle termine à l'hôpital, mais de quoi s'agit-il? De quel objet? Ah. De ma bite. Pardon. Voilà, donc je pour pas ça, d'objet. Je voulais pas faire. C'est pas un objet. Ça peut être considéré comme un. Enfin, petit A, un téléphone. Petit B, une harmonica. Petit C, un tube de dentifrice. On dit pas un harmonica? Ouais, moi, aussi. Un harmonica. Une aussi, ça non, dit, non, non, non, un. Moi, tu dis des harmonicas. C'est masculin? Non. Du coup, ils finissent. Hein. T'as dit quoi? Elle finit à l'hôpital, du coup? Elle finit à l'hôpital. Ouais, parce qu'elle s'est enfoncé un objet dans la bouche. Soit un téléphone. Et elle arrivait pas à l'enlever. Arrête. Non. Soit un téléphone, soit un harmonica, soit un. Un tube de dentifrice. Un tube de dentifrice. Alors, je crois pas l'harmonica. Mais le téléphone, il faudra avoir une grosse bouche pour mettre un téléphone. Ça dépend, c'est pour ça que t'as un petit téléphone. Bah ouais, si c'est un Nokia 3310, ça. Alors, faites-moi voir vos réponses. Je vois du A, je vois du C, je ouais. vois du A. Et bah, vous avez tous faux. C'était une harmonica. Ah, l'harmonica. Ah, l'harmonica, c'est toi qui as faux. T'as faux aussi. Bon, on en a fait, tous le, faux. Le pire, c'est que. C'est, elle, elle était en train de se filmer. Si vous connaissez l'application elle TikTok. Elle voulait se faire boîte à rythme. Qui connaît l'application TikTok, ça, c'est un truc. Bah oui, tout le monde, ouais. Voilà, ouais, donc. C'est une étudiante américaine. Elle est en train de se filmer et elle s'est dit, tiens, je vais essayer de mettre un harmonica dans ma bouche. Ouais. Une harmonica. Ah, je l'ai bien dit, pardon. Et. Ah ouais, elle s'est rendu grand sourire. Ouais, là, c'est ça, elle s'est rendu compte qu'elle pouvait plus l'enlever et du coup quand elle respirait, il y avait ça le jouait, ça jouait de l'harmonica. C'est ça. J'y trouvais ça super drôle du et coup. Et tu vois, est-ce que t'as vu les vidéos d'un mec qui s'appelle Kristen? Je sais pas qui c'est, Kristen. C'est un mec, c'est oui, non, donc, il je fait plein pas. De vidéos sur Facebook et tout, et puis c'est genre il mettait un harmonica pareil dans la bouche. Ouais, il a réussi à et t'avais les gens qui comment dire qu'il faisait mal en fait, genre lui balançait des balles de tennis, oui, des trucs comme vu ça. Ah, et genre à chaque fois qu'il gueulait, t'entendais le son de l'harmonica ouais. et tout. Mais sauf que elle l'a coincé dans sa bouche. T'imagines, elle est aux urgences et elle pouvait pas parler. Alors ça faisait de la musique quand elle essayait de parler. Et les médecins, ils devaient être morts de rire à mon avis, je pense. Mmh. Bah, je pense qu'ils ont compris tout de suite ce qu'elle avait comme. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais, ils ont pas cherché. C'est un concept presque pareil que la femme. Comment on appelle ça? Accordéon. Accordéon. Ouais. C'est quoi ce concept? Les gens quand ils pètent, on les. Ouais. On dit que c'est les femmes accordéon ou je sais pas quoi, ou des hommes accordéon. Les gens quand ils pètent. Ouais. Ma mère. Bah, ça c'est ta mère. J'ai pas compris. C'est que de péter. Bah, oui, c'est quand tu fais plusieurs pieds à filer. Bah ouais, sans doute. Normalement, ouais, tu fais de la musique quoi avec. On parle d'harmonica et on parle de paix, je vois pas où il oui, non, bah il y en a pas, ça, mais c'est actuellement en même temps. C'est, voilà. Par contre, le coup, je vois bien. Ouais, là, non, mais en fait, vrai, c'est un jeu. Enfin, j'essaierai de vous envoyer l'image dans le groupe, c'est assez drôle. Je vois à quoi ça peut ressembler parce que sur l'harmonica, t'as des espèces de petits carrés qui ouais. font sortir. Mais t'imagines, elle a le truc rectangulaire sur la gueule quoi. Ouais, mais c'est ça, mais ça, on dirait que c'est des dents, tu vois. Donc tu mets dans le sens de la largeur, ça fait un grand sourire. T'es... Le Joker. Ah bah ouais, là c'est le Joker. Bon, n'empêche que tout le monde a faux. Voilà. Teddy, est-ce que tu as quelqu'un avec toi ce soir? Effectivement, j'ai quelqu'un de particulier ce soir. Oh merde. Comment un s'appelle-t-il? D'où vient-il? Physicien. Oula! Il vient de Belgique. Ouais, il parle français en tout cas. Donc oh c'est putain, Belgique est-ce ou qu'il a rapporté de la bière ou pas? Ah bah non, oh. Pas de bière. Bon, les Belgiques, peut-être qu'il mange des frites. Mais je crois pas qu'il nous ait rapporté de frites. Bon. Il nous a rapporté sa science. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Bastien. Bastien. Oh, Bogdanov. Non, je déconne. Non, je plaisante. Eh ben, accueillons Bastien, si vous le voulez bien, qui est astrophysicien, qui a fait des hautes études, qui le total de ses années d'études dépasse celui de la totalité de l'équipe d'ActuSolid. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Bastien. Oui, ça on le savait. On dirait Antoine. Alors, enchanté Bastien. Donc vous venez ce soir pour nous poser une question dans ActuSolid. Déjà, c'est très gentil d'être venu et d'avoir pris votre temps précieux pour d'avoir venir, fait le déplacement, parce que la Belgique n'est pas à côté, hein, rappelle, non, c'est vrai. Et puis, Ah oui, je confirme, ça fait un petit peu de à peu près temps. 6 heures. Ça fait à peu près, non, 5h56 minutes. Juste pour info, Sébastien, vous avez mangé quoi à midi? Des frites. Ah, oui, et vous avez bu quoi? Des frites. C'est la Belgique, hein. Ça se boit, des frites. Tu bois pas des frites? Oh, c'est du jus de frites. Si, du jus de frites. Arrête, exactement. Elle serait presque en train d'y croire. oui, en Belgique, on boit du jus de frites. C'est la boisson nationale. Fait d'écraser pommes de terre. C'est la boisson nationale. Tout est à la base de frites, effectivement. Ben oui. Voilà. Sauf qu'il n'est pas aux frites. C'est ça. On a fait le tour des clichés, alors passons à la question. Quelle question vous voulez nous poser? Alors oui, moi j'observe le soleil en fait dans mes études d'astrophysicien. Ah oui, vous êtes quelqu'un de solaire quoi. Exactement, ouais. Je me recharge grâce au soleil. Et du coup je l'observe beaucoup et figurez-vous qu'il diminue Il diminue le soleil ? Oui, il rétrécit. Oh merde. Oh la vache. Ah oui, bah, oh, je sais pas. Bah si, c'est embêtant quand même. Bah, il fait moins chaud, c'est cool. Ah. Le réchauffement climatique, bah, il va être compensé par le, la diminution de la taille du soleil. Mais il risque pas de disparaître. Faut pas qu'il s'éteigne. Ben si. Sinon, faut rallumer la flamme. Rallumer le feu. Ah, mais t'es en avance, Johnny, en fait. Il est mort, Johnny, là. Il peut plus rallumer le feu. À l'époque, en fait, c'était pour ça. Il savait déjà. Mais on va tous mourir, du coup. Oh, chouette. C'est génial. Si on meurt pas d'un truc, on en mourra d'un autre, ouais. Comme le coronavirus. Ah, non. Ah, et ça suffit, hein. Alors, dites-nous. Alors, d'après vous, la taille du soleil diminue... J'ai cru t'allais dire du saucisson. La taille du saucisson. Non. Un peu de sérieux, monsieur. Vous connaissez pas les études astrophysiciennes? Non. Donc, voilà, alors, vos gueules, s'il vous plaît. La taille du soleil diminue chaque heure, mais de combien? Ah, de chaque heure? Oui. Ah ouais? Est-ce que c'est 1 cm par heure? Est-ce que c'est 1 mètre par heure? Ou c'est 1 km par heure? A, B ou C, vous avez 3 réponses, c'est très facile de trouver. Ah ah. Ah ah, ouais, exactement. J'aurais vraiment pas dit mieux. Réponse. Putain, mais c'est quoi ce stylo de merde ? Attends, j'attends que je l'annonce. Alors, ton anneau de Saturne, petit garçon, est très mal fait, je trouve. Qu'est-ce qu'a fait Antoine ? Il a essayé de nous faire un anneau, je pense, mais j'ai pas très bien compris. C'est un anneau de Saturne, ça, oui. Exactement. Ah, c'est pas comme ça, Saturne ? Ouais, c'est très mal fait, ça. Ah, c'est Saturnin, ça. Alors, réponse C pour moi. Thomas, t'as mis quoi ? Réponse C aussi. Moi, j'ai mis B. On a de la B, de la C. Bah, et B comme... Eh ben, c'était effectivement la B, ça réduit de 1 mètre par heure. Bon. Merde. Parce que bah, c'est raté pour l'instant. C'est raté pour moi, j'aurais pas dû t'écouter, Yann. Théo, pardon. Théo, Yann, Théo. Non, mais je me suis trompé, je me mélange. Attends. Théo. Ouais, tu aurais pas dû m'écouter. Mais pourquoi tu. J'étais censé garder ma réponse secrète. Bah, tu l'as montré. Mince. Mais arrête de copier aussi. Ouais, bah ça t'apprendra à copier. Merci Bastien d'être venu chez nous. Eh ben, merci à vous. Je retourne près de mon colliseur à Dron. Je sais plus comment il s'appelle. Moi, je l'appelle colis. Colis ? Oui. Ah. C'est un gros tuyau avec des neutrons et des. Ah oui. Ouais, enfin, c'est des trucs. Protons, des neutrons. C'est ça. Des trucs qu'on comprend pas. Dans d'ailleurs, ce vous connaissez le prénom de neutron ? J'ai une petite blague. Je sens qu'on va rigoler. Le prénom de neutron ? Oui, non. Bah, c'est Jimmy. Parce que Jimmy Neutron. Ah, ça dessin animé. C'est un dessin animé de mon enfance. Ah, d'accord. Ça se dit philosophe après. Oh là là, bah oui, effectivement. C'est de la bonne vanne. Oh, alerte Google. Ouais, c'est clair, vous êtes vraiment des Google. Bon, si c'est ça, je me casse. Bonne soirée, Bastien. Bientôt. Eh ben, merci à vous. Puis, je sais pas si je reviendrai. Non, mais non plus. Ouais. merci, Bastien. Antoine, est-ce que tu as quelqu'un avec toi? C'est comme vous voulez. Quel connard, ah bah non, type. C'est pas comme on veut. Ouais, il a fait venir quelqu'un. Il avait l'air défoncé un peu, non? C'est un Suisse. Ouais, je vais faire venir quelqu'un. Ouais, ok, bah faisons entrer dans le studio. On a encore un petit peu de place, hein. C'est pas parce qu'on a Thomas qu'on a plus de chaise. C'est vrai qu'il prend de la place. Non, il prend de la place en hauteur. Mais c'est vrai, moins que. Non, c'est parce qu'on est petit en fait. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. c'est peut-être que par rapport à nous, effectivement, il prend de la place en hauteur. Oui, bien aussi. Qui ? Et Antoine aussi. Allez, non mais tout le monde prend la place en... prend pas de place. Non, en hauteur. Oui, en hauteur. Alors, largeur aussi. Toi, Antoine. Oui. Tu nous as ramené qui ? Jacques. Jacques. Jacques Chirac. Ah, non, le pauvre, non. Non, tu ne l'as pas ramené, lui. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Mais il est mort aussi. Non. Oh non. Non mais comment, c'est Jacques tout court ? Ouais, c'est Jacques. C'est Jacques. Et il est quoi ? C'est Jacques. Américain. Ah, il est américain. Du coup, c'est Jack. Ok. Et eh ben, on a Jack. Bienvenue, Jack. Bonsoir. Welcome, Jack. Hello. Jack. Ah, good afternoon. Non, good evening. Bonjour, la donné, France. On n'est plus en afternoon. Là. Good afternoon, c'est matinale. Non, c'est l'après-midi. Oh là là, mais quel niveau d'anglais. Oh. Bon, hello. Hein. Bon, aïe, on dit. Aïe. Donc, pareil. What is your answer? What do you do? Il comprend même pas l'anglais, ce Oh là là! What is it the question? What's your fucking question, man? Ah, yes! Okay. Oh, of course! Of course, oui. Il a un accent anglais de merde. Ouais, c'est l'Amérique de Louisiane. Ouais, ça va, c'est un ancien anglais. Bon, Jack, pose ta question. Oui. Concerne! Alors, j'ai un ami qui s'appelle Nick. Vous avez un ami qui s'appelle Nick? Oui, Antoine. Oui. Jacques, pardon. Il est acrobate. Il est acrobate. Il a traversé un volcan en actif. Oui. Mais quelle hauteur fut à quelle hauteur a été la corde? Par rapport, il est passé au-dessus du volcan. Oui. Grâce à vos coques. Ah, ah sur une corde. Ouais, le long du cratère. Ah, c'est un chemin. Comment on appelle ça? C'est un faux. Voilà, funambuliste. Oui, voilà, cherchez-le. Voilà. Ouais. Et il était à quelle hauteur? Voilà. Bah, on s'en branle. Petit A, 500 mètres. Ouais. Petit B, 530 mètres. Oh. Ou petit C, 560. 545 mètres. C'est quel volcan? Ça fait pas que 500 mètres un volcan. Non, de profondeur au niveau de la lave. Un volcan, ça peut faire beaucoup plus que ça. En plus, t'as dit qu'il était actif. Oui, mais le cratère, en fait, il fait pas... Ouais, mais ça va pas faire changer la réponse entre 530 ou 545 mètres. Hein. C'est pas 540. Totalement faux. Mais bon, par souci de précision, je c'est préfère vrai, savoir. C'est vrai. Alors, c'est ton côté science, c'est fait qui ressort, t'as dit. Exactement, c'est à cause de Bastien, c'est trop foiré. Je comprends. Moi, j'ai mis la réponse B. Alors, je suis un petit peu soulagé parce que Jolan a mis la réponse C. Ah, d'accord, j'avais cru. On a la réponse C aussi ouais. Pour Thomas. Bah, c'était pour la réponse Thomas. C. Ah, c'était la réponse J'ai cru qu'il avait écrit Chikungunya, mais. Bon, et pour l'instant, c'est un sans faute au niveau de la nullité hein, pour moi. Hein. Je suis à zéro. Chut. Il est parti pour faire tu le. Tu n'as pas marqué plus... un point là? Non, bah non, non, j'ai mis. Ah ouais, mais non, et après, ça se fout de ma gueule, hein? Bah ouais. Je n'ai plus qu'une chance de sauver l'honneur avec la question d'Anaïs. Ah bah oui. Moi, j'ai ramené personne, hein? Ouais. Chouette, pas de fée clochette. Elle a pas d'amis. Le capitaine Crochette, pardon. Je n'ai capitaine besoin de personne. Alors, ça se merci passe. Merci, Jack, en fait. En Suisse. Ah. On lui a même pas dit au revoir. Ah oui, au revoir, Jack. Aux Américains. C'est trop tard, il est parti. Alors donc, t'as la présidente suissesse ouais. Qui a décidé de fêter donc ses 60 ans. Elle est grande ou petite la enfin, présidente... Elle est assez moyenne. Ah ouais. Genre c'est elle le fête donc elle fête, ses... elle fête ses 60 ans donc le 14 mai 2020. D'accord. Mais qui sont ses invités ou du moins quelle est la particularité de ses invités enfin, ben... Qu'ont-ils en commun en fait ah, elle a déjà réservé. En commun. En fait, non, attends. Qu'ont en commun ses invités d'accord. Et elle-même. Je comprends, mais en fait, elle a déjà organisé sa fête d'anniversaire. C'est ça. Oh, c'est marrant, ça. Enfin, elle attend les invités, quoi. Mmh. Ouais. Donc, réponse... Enfin, proposition A. Ils sont nés le même jour qu'elle. Mmh. Réponse B. Ils ont exactement la même taille que la présidente. Ou réponse C. C'est pour les femmes. Elles ont exactement la même taille de poitrine. Ah. Moi, déjà, c'est mort. Je la connais parce que j'ai été invité. Alors, moi j'ai mis la réponse C. A. C'est de la A ? Ah merde ! Ouais. Mais pourquoi ils ont tous A là ? Parce que c'est la A. Oh là là là là. Et mais là donc zéro. Elle a décidé oh là là. D'inviter les personnes qui sont nées le même jour qu'elle. J'avais vu ouais. Le truc sur donc, internet. À peu près, je connais quelqu'un qui a été invité. 290 ah ouais participants. Ouais. En fait. T'envoies un formulaire avec bien sûr ouais. La photo d'identité ou le passeport. Qu'est-ce que tu irais foutre à l'anniversaire de la présidente suisse? Je sais pas. En vrai, elle va te balancer des détails. À quel moment tu te dis c'est une bonne idée d'aller là-bas? Je sais pas. À quel moment tu te dis c'est pas une bonne idée de refuser l'invitation d'une présidente suisse? Ouais, on va. T'as un truc de prévu Non, non, tu t'en fous, c'est la présidente qui t'invite. Non, tu viens. J'avoue, attends. Bon, ouais, ça se trouve, tu manges trop bien là-bas. Bah ouais, oui. Peut-être. Ouais, mais c'est vrai que c'est un concept spécial, mais je connais que. Bah, c'est ma marraine. Elle est née le 14 mai et elle m'a parlé qu'elle avait reçu une fois l'invitation. Elle a reçu une invitation. Ouais. Bizarre de quelqu'un qui disait bah, vu que vous êtes née le 14 mai, venez, on va faire une spéciale. On est copines. Bah ouais, ouais mais par contre, j'avais pas que c'était. Je sais pas si c'est elle ou pas d'ailleurs, parce que la c'est quelqu'un d'autre. Ça fait loin, hein. Bah ouais, mais les coïncidences pour qu'une autre personne fasse la non, même non, chose. Ouais, je pense que c'est. Quand même assez. Elle a été invitée par le président de Suisse. Ah, c'est drôle savoir. Ça. Drôle. Bon, bah, je termine avec ma question. Vas-y. Quelle classe ? Je n'ai ramené personne. En Australie, il y a Lazare. Alors, c'est le surnom donné à un homme. C'est la NASA. Non, c'est le surnom donné à un homme de 59 ans qui, comme ce personnage biblique, il y avait un personnage biblique qui s'appelait Lazare, qui était mort depuis 4 jours, était sorti vivant de sa tombe. Bon, après, ça reste de la Bible. Hein. Là, c'est pas la Bible, mais c'est quand même fou ce qui s'est passé. Il était là, en fait, vivant, hein, tout allait bien, quand tout à coup, arrêt cardiaque. Il était plus là. Bon, ce sont des choses qui arrivent, on est d'accord. Alors, sa femme essaye de le massage cardiaque, ça fonctionne pas, les secours arrivent, ça fonctionne toujours pas. Il a fallu attendre très longtemps. Avant que son cœur reparte. Je crois que j'ai vu le truc. Et que, aussi étonnamment que cela puisse paraître, tout redevienne ok pour lui. Aucune séquelle. Mais, à votre avis, combien de temps son cœur s'est mis en pause avant de rebattre? Le temps du goûter. C'est 70 minutes? 80 minutes? Ou 90 minutes? Dans tous les cas, c'est énorme. Hein. Mmh. 70, 80, 90 minutes. On va dire le temps d'un match. A, B ou C. Le temps d'un match. Ah oui, 90 minutes. Un match de football. Alors, on a du C. On voit pas. C. Et on a du C. Ouais, on a que du C. Ouais. Il a écrit 80, je crois, Thomas. Ouais. C'est 90, la C. 80, c'est la B. Alors, B ou C, du coup, Thomas? C. Ok. Et bah, la bonne réponse était là, c'est effectivement 90. Bah, j'avais vu l'info, bah justement, t'as pas de chance. De malade. J'avais vu l'info hier. Ouais, si. Oh, c'est pas grave. Mais j'ai fait l'affaire. Ouais, en mais plus. J'avoue, 90 minutes, c'est chaud quand même. Bah, ça veut dire que ouais, pendant une heure et demie, ton cœur arrête de battre. Le pire, c'est qu'il a pas eu de sec. Et c'est ça, en fait. Non seulement il rebat la chamade, mais en plus de ça, le mec a aucune séquelle. Alors, il s'est quand même fait poser un. Merci. Comment on appelle ça? Un pacemaker. Ouais, pacemaker, exactement. En sécu. Hein. Mais en vrai, c'est hyper étonnant. Il avait quel âge? Je sais plus, j'ai lu 60 ans, 59. T'as dit 59. Ouais, ouais, il était pas tout jeune quand même. Hein. Il est non. Pas vieux non plus. Hein. Bah, si, hein. Si, bah, si, si, si, si. Pour un arrêt cardiaque, c'est. Non, c'est pas très vieux. Bah. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que voilà, il est reparti. Hop, comme si de rien n'était. Il s'en sort bien, quoi. C'est ça. C'est le cœur qui avait besoin d'une petite sieste, et du coup, c'est reparti comme en 40. Mais du coup, c'est con, parce que quand t'as un pacemaker, tu peux plus aller près des micro-ondes et te faire chauffer des nouilles instantanées. Non, mais tu sais, même, par exemple, tu sais, moi je fais beaucoup d'examens, enfin bref, à l'hôpital, et tu sais, quand tu passes des tests dans les IRM, tu sais, tu ils demandent souvent si t'as un pacemaker ou ce genre logique. De truc. Logique. Non, mais t'imagines, les médecins, ils oublient de te demander, le machin, tu crames sur place, quoi. Je sais pas non, ce non, c'est passe. Pas ça. C'est qu'en gros, en fait, ça pourrait l'éteindre, en fait, le pacemaker. Et si t'as une crise cardiaque, enfin un arrêt cardiaque à ce moment-là, et ben ton pacemaker fonctionne plus. C'est emmerdant. C'est très dommage. Mais c'est pas forcément très très grave non plus. Parce que tu vas pas faire une crise cardiaque pile poil au moment où ça se désastre. Qui... Oui. On sait pas. Mais bon. Ça serait vraiment con. C'est le mec qui a pas de chance. Ouais. Ah bah ouais. Vous avez combien de points, les garçons? 3 points pour moi. 3 pour Jolan. Teddy? 3. Antoine? 3. Anaïs? 2. Ah, oh, ça va jouer entre nous deux. Alors, on a Thomas qui a 2. Ouais, moi j'ai. Non, j'ai 0. Moi, alors comme ça. Anaïs, okay, attends, tu nous fais les petits papiers. Ouais. Donc, l'idée c'est que je participerai à ce record sportif. Super. À moins que je l'échange avec Antoine. Parce que, sachant que. Mais j'ai... attends, si Anaïs ça perd, moi je peux l'échanger contre Anaïs. Ouais, c'est pas fou. Non, mais je pense que je vais le garder. Oui, garde-le, il est bien. Donc, record sportif à faire tout à l'heure dans les studios, je participerai. Tu veux et soit Thomas, soit Anaïs y participeront. L'idée, c'est qu'on a fait deux petits papiers. Et dedans, il y a le nom de chacune des personnes. Et Antoine va piocher l'une de ces deux personnes. Ce sera celle qui participera au record. Allez, vas-y, Antoine. Vas-y, ouvre, Antoine. Qui participera? C'est Anaïs. Anaïs. Ah. Tu sais ce qu'elle a fait en plus? Montre le papier. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle a guidé ma main sur celui-là en plus. Non hein. Sur lui, si, hein. Si, ouais, tu m'as guidé la main sur celui-là. Sur ouais, je les ai collés. Vous le voyez main, pas, vous, ça. Mais nous, elle nous a. Non, celui... ah, en fait, c'est lui. Je les ai balancés au pif. Alors, attention, ce sera Anaïs et Théo qui participeront au record, sauf si. Si Thomas, tu veux participer au record. Dans ce cas-là, je te laisse ma place. Voilà, c'est ça. C'est sympa. C'est-à-dire que toi, t'as le choix de participer ou de non, ne non, pas non. Participer. Non, non, fais pas ça. Fais dis-nous pas ce que tu en penses. Laisse-la en train de faire du sport en ce moment. C'est comme si tu une mauvaise idée. Mais faut jamais accepter ce genre de politique. Thomas, le verdict. Attends, je réfléchis. Amène au boulot. J'essaie de t'influencer. Accepte pas. Accepte pas. Accepte, m'emmène au boulot. Assuse pas. Bon, Thomas. Ah oui, il a dit oui. Non, il a rien dit. S'il a dit j'accepte. Officiellement, il a rien dit. Un, deux, j'ai entendu. Il accepte. Il a dit j'accepte pas, moi. Bon. Tu peux redire ta réponse? J'accepte. Il accepte. Ok, donc ce sera Théo et Thomas qui participeront au record tout à l'heure. Très bien, ça on le note dans un petit coin. Dans un instant, c'est la manifestation. Non, c'est le mode de vie insolite. Mode de vie, ouais. De la semaine à découvrir. Un indice. T'as 9 secondes. Ça s'en rappelle pas. T'as 9 secondes pour dire. Allez, dépêche-toi. House. 6 secondes. House comme house. Maison. C'est ça. En même temps, c'est normal, wow. C'est un mode de vie insolite. Ouais, c'est Jessine Thompson avance là sur Indestar. 21h, 23h. Actu Solite, votre émission d'actualité insolite. Ouais, et jusqu'à 23h minimum, les copains, vous le voyez, on a déjà des coronavirus dans les studios. Mais sinon, ouais. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Non, mais. Bah, je te fais la bise, mec. En tout cas, vous inquiétez pas, ça ne passe pas par le signal radio. Et vous n'avez pas ça de l'autre côté c'est non plus. Wifi si vous écoutez, mais c'est très contagieux. Par le wifi non plus. Vous mettre comme ça, là. De quoi ça. Ah, les micros, les bonnettes des micros. Ouais, t'as raison. J'avoue, mais ouais. On roule à moitié des palos au truc, c'est. C'est-à-dire que s'il y a un mec ou une fille, une des stars qui a le coronavirus, on est sûr d'être tous contaminés. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on chope la gastro ou des trucs. Ouais, alors oui, parce que je parle du coronavirus, mais c'est valable pour toutes les maladies, hein, effectivement. C'est pour ça que je reste à une certaine distance du micro. C'est très gentil de. Ah, c'est pour ça qu'on t'entend jamais, toi, connard. Ouais. Bon, moi, je chope que dalle. C'est ce que tu dis, hein. Quoique j'ai la crève, donc je dirais. Alors, dans Actu Solite, on a chaque semaine un mode de vie insolite. Alors, l'idée, c'est qu'on se dit plutôt que de vivre dans une maison classique, avec une cuisine, quatre chambres, une SDB et un WC. Eh bien, une quoi, Dani? Une SDB. Salle de bain. Ah. Salle de bain. Non, c'est parce que j'étais agent immobilier. J'ai compris une WC, non. Moi. Oh. Oui, le WC. Un WC. Des water, non, si tu préfères. Mêle. Des water. Bon. Water closet. Les water closet, évidemment. Là, on a une maison un peu plus petite cette semaine. Très, très petite, Nef. Même. Beaucoup plus petite. C'est quoi? C'est une tiny house. Une tiny house. Pardon, je balance. Bah, c'est anglais. Une tiny house. Oh, yeah. Donc, c'est une petite maison. Ouais, j'adore. Hein. Dans la prairie? Non. C'est enfin, tu peux la mettre dans la prairie, c'est ça l'avantage. C'était importé aux États-Unis, enfin des États-Unis. Ouais. C'est une maison qui est en bois. Ça a été importé par les États-Unis. Importé des États-Unis. C'est-à-dire que ça commence aux États-Unis. Ouais, c'est un phénomène qui arrive en France. Je n'ai pas compris, pardon. C'est une petite maison qui est posée sur une remorque. Mm-hmm. Donc, ça a été lancé en 2002 par des créateurs de la Small House Society. Ah, hier. Mais ça a été, mais ça c'est apparu vraiment en 2005 après l'ouragan Katrina. Ah oui. Ah. Parce que voilà, des Américains étaient sans domicile. Bah c'est ça, ils avaient plus de maison, donc ils se sont dit pourquoi pas faire une maison sur une remorque, comme ça si on me dit à un moment donné il y a un ouragan qui arrive, on hop, se casse. On se casse. Mais attention, tu dois respecter des dimensions réglementaires. Ouais, bah qui peuvent te permettre effectivement de circuler quoi. Donc c'est ça, donc ça doit pas dépasser 4 mètres, parce que voilà, ça passe sous les ponts. Hein. Là tu parles de les dimensions réglementaires de la maison. Ou aux États-Unis aussi. Pour circuler en France. Ouais, mais c'est des mobilhomes en fait, leur truc. Non, parce qu'un mobilhome, tu peux pas circuler sur la route. Non. Tu peux pas les déplacer. Non, un mobilhome, il est déplacé que par des convois exceptionnels. Ouais. Ah, ok. Parce que ça fait plus de... Ouais, c'est trop large et trop long, ouais. Enfin, surtout trop large. Donc pas dépasser 4 mètres, en largeur maximum 2,5 mètres. Ouais, 2,50 mètres c'est vraiment, de toute façon sur route, hein, n'importe quel véhicule en France c'est 2,50 mètres maxi. Je sais pas. En longueur 7 mètres. Ouais. Le poids, en comptant la remorque, ça doit pas dépasser 3,5 tonnes. 3,5 tonnes, oui, parce que 3,5 tonnes c'est le poids en fait, comment dire. Là tu les vois des avant fois sur les panneaux. Avant d'être un poids lourd. Oui, c'est ça. Si t'es au-dessus de 3,5 tonnes, t'es un poids lourd un peu. Ouais. Exactement. Pour le permis poids lourd. Surface 20 mètres carrés. C'est pas énorme. Plus que certains studios. C'est une micro-maison en fait. Bah, mon appart il est plus grand. Bah oui. C'est un appart en même temps, c'est pas une remorque. Oui, mais. Ton salon c'est la tiny house en fait. Pour ceux qui habitent à Paris, tu vois, genre avoir 18 mètres carrés, tu vois, ils trouvent ça génial déjà. C'est ça. Alors 20 mètres carrés, oh là, ils sentent luxe. La 20 mètres carrés en fait, c'est si tu prends la longueur maximum sur la hauteur maximum sur la largeur maximum, c'est ça? Ça fait du 20 mètres carrés. Ouais. Tu l'as largué, okay. Je crois. C'est pas sur la hauteur, par contre. Hein? Non, parce que 4 mètres, ça fait plus que 20 mètres carrés. Ouais. Bah oui. Sinon, ça serait 20 mètres cubes. Ça serait en cube, ouais. Mais oui, c'est en surface. Ouais, parce que tu peux faire des mezzanines hein, dans des. Ouais, dans des tiny house. Oui, ah oui, il y a la place. Disons qu'il faut pas te mettre debout, quoi. En fait, leur lit, ils le mettent généralement haut. Ouais. Et en dessous, ils mettent genre un canapé. J'irais pas vu là-dedans. Pourquoi? Bah, je suis trop grand, je me cognerais partout. Mais non, c'est 4 mètres après, tu dors sur le canapé. En fait, tu fais aller au rez-de-chaussée, tu fais une hauteur sous plafond de 2,20 m, genre, tu vois. Et à l'étage, bah, tu mets plus petit. Mais à l'étage, ouais, par exemple, c'est la chambre, donc t'as pas forcément besoin de te mettre debout, tu vois. Et quand on appelle chambre, c'est genre juste un lit. Hein, d'ailleurs, petite question, comme c'est une maison qui est, comme tu dis, qui est transportable, est-ce que t'es considéré comme SDF ou pas? Oui. Alors, parce que en fait, tu rigoles, t'as dit, mais du coup, je sais pas. Je suis pas sûr. Hein. Si, au nom de la loi. Ouais, en France, alors on va revenir à ce qu'on a déjà dit plusieurs on fois. On a déjà dit, ouais. C'est vrai qu'aux États-Unis, on n'a pas du tout les mêmes législations. Ouais, c'est un mode de vie qui est assez répandu, que ça soit la tiny house ou même vivre en camping-car ou dans des logements. Même on avait parlé de la canadienne aussi qui vivait dans une yourte, hein, je sais plus, c'est ça. Oui, des yourtes aussi. En yourte. Dans un yourte, c'est autre chose. Non, mais aux États-Unis, c'est quelque chose de très répandu. Dans d'autres pays, ça se développe aussi. En France, au niveau législation, on est chiant là-dessus, hein, on va se l'avouer. C'est-à-dire que si tu n'as pas un terrain avec un bâtiment construit en dur dessus, tu es considéré effectivement comme sans domicile fixe. Après, si ta tiny house, tu la mets sur un terrain que tu as acheté, tu es domicilié, mais t'es sujet à plein de contraintes qui sont de déplacer ta tiny house tous les 3 mois. Tu dois faire plein de démarches. Pas de raccordement, par exemple, ni téléphonique, ni aux eaux, ni électricité, etc. Pour le courrier et tout, ça doit être... Mais non, pour le courrier, si je te dis, si t'es domicilié. Ah, si t'es domicilié, ouais. Mais en fait, ça t'impose plein de choses. Et des fois, ça t'impose, en fait, sur un terrain, à avoir déjà un bâtiment en dur sur ce terrain pour pouvoir vivre dans ta tiny house à côté. Donc, c'est un peu merdique, hein, ne le cachons pas. C'est un mode de vie qui est en train d'arriver en France, et parce que ça plaît, parce que c'est sympa d'avoir sa maison sur son dos, en même temps, hein. Mais c'est toujours un petit peu compliqué en termes de démarches administratives. Oui, je t'écoutais. C'est gentil. Donc si les dimensions ne sont pas respectées, donc il faut demander un permis de construire. Et la tiny house sera considérée comme un convoi exceptionnel lors du transport. Comme les mobiliums, donc. Concernant le stationnement, donc la loi prévoit que tu peux stationner sur un camping en tant qu'habitat saisonnier. Ouais. Dans ce cas, il sera considéré comme un véhicule de loisir et donc soumis à une taxe de séjour. Donc comme si tu... Si tu avais un camping-car, quoi, en gros. Ouais, c'est non ça, oui. Ouais. Ensuite, depuis 2014, donc comme les caravanes, tu peux stationner sur ce qu'on appelle des pastilles. Donc, c'est des emplacements prévus par le plan d'urbanisme de la commune. Donc, tu as des places, en fait... Il y en a très peu, hein, en vrai, parce qu'autant les aires de camping-car... Dans certaines communes, ça n'a pas été mis à jour, du coup, c'est rare. Ouais. C'est surtout qu'ils ne le feront jamais. Mais t'en as peu, et puis déjà, tu as les camping-cars qui se permettent de se garer sur les places de parking alors qu'ils n'ont aucun droit d'être là, tu vois. Alors qu'il y a marqué un arrêté de la mairie en disant « Vous n'avez pas le droit de rester à cet emplacement. » Ça reste compliqué, parce que du coup, comme disait Théo, il y en a peu en fait des places. Oui, voilà, aussi. Car du coup, ils sont obligés d'aller très très loin. Donc, du coup, ils sont obligés de prendre certaines places des fois. Faudrait que ça se développe un peu interdit, plus. Mais c'est compliqué pour eux. Donc, faudrait trouver un entre-deux. Donc, faire soit des parkings dans chaque commune à peu près de camping-car. Ouais, obligatoire par exemple. Les logements HLM, il y a un certain. Voilà, pourcentage. Mais je crois que c'est avec un certain nombre d'habitants, ils sont obligés d'avoir un terrain. Sauf que là, il n'y a pas forcément, tu vois, de règles exactement établi, parce que c'est pas quelque chose qu'on considère aujourd'hui vraiment comme encore un habitat, ce qui est dommage, hein, je le regrette. Ouais. Mais On parle de caravane, bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais on pense aux gens du voyage qui se déplacent tout le temps et qui sont très mal accueillis parce que ils sont pas forcément les bienvenus dans certaines communes. Ouais. Mais aussi, il y en a, ils font pas d'efforts parce qu'ils ont atteint un palier d'habitants et ils sont censés les accueillir. Ils préfèrent payer une amende plutôt que de le faire. Donc, je trouve ça un peu dégueulasse d'ailleurs. On revient sur la tiny house, par exemple, à la conception de la tiny house. La conception ? Ouais. Genre ? Je sais pas, à l'intérieur, comment c'est fait, enfin... Après, c'est comme une petite maison, hein. Ouais. C'est comme on a dit. Hein. Non, mais c'est une maison qui bouge, quoi. T'as dit que c'était en bois et c'est intéressant parce que c'est... J'ai pas plus d'infos que ça mais sur la conception. Pour l'isolation et tout, le bois, c'est... Non, c'est bien, le bois. Matériau naturel, isolant de base. Ouais. Non, il fait pas froid. Déjà, c'est quelque chose de petit, hein. On l'a dit, 20 mètres carrés, grand max. Donc, en fait, l'idée, c'est que... Toute la structure est en bois, l'aménagement aussi. En fait, l'idée, c'est il y a une certaine idée écologique là derrière aussi, c'est que on veut des matériaux les plus naturels possibles. Donc on a souvent une déco qui est en bois avec des panneaux isolants. Tu vois, t'as une couche de bois de l'isolation et une autre couche de bois derrière. Donc c'est relativement bien isolé. Et vu que c'est petit, ça chauffe très vite. Tu mets un petit poêle à bois à l'intérieur, tout de suite il fait 30 degrés dans ta tiny house. Donc, c'est pas compliqué à chauffer. Quoi. Non, c'est pas compliqué, ça dépend. Après, si vous voulez, je peux vous dire que il faut entre 6 et 12 mois de travaux. Pour la faire soi-même. Alors, il y a des sociétés qui existent, notamment en Normandie, je crois. On est entre, je crois, vraiment nu, le modèle de base, 20 000 euros, quelque chose comme ça. Et ça monte jusqu'à 60 000 euros. Donc, c'est. Ah, ok. Mais c'est quand même bien moins cher qu'une maison. Et ça fait Autant acheter. Enfin, j'ai envie de dire, le concept est pas mal, mais moi, je préférais mettre 60 000 euros dans une maison et pas avoir les mêmes contraintes. Les goûts sont différents. T'en as qui aiment les petits espaces, qui préfèrent, tu vois. Après, pour essayer en vacances et tout, c'est bien parce qu'ils font le trip. Tu peux faire aussi, tu peux la louer en vacances. Je pense pas que c'est pour avoir un petit espace qu'ils prennent une tiny house. Je pense que c'est pour quoi, tu la mets n'importe où, t'as des paysages c'est de plus ouf, pour hein. ça, c'est plus pour ouais, l'aspect, plus tu peux te balader n'importe où. Il y a beaucoup d'aspects en fait, je trouve là-dedans. T'as l'effet, effectivement, je la prends avec moi et j'ai ma maison sur le dos, mais t'as aussi l'aspect écolo. ouais. L'aspect je consomme moins et je vis dehors parce que quand t'as un petit espace comme ça et qui est en maison, donc par exemple que tu vas mettre sur un terrain naturel, tu vas avoir tendance la journée à vivre beaucoup plus dehors que si t'as un grand appartement, une grande maison où tu vas rester enfermé chez toi. Mais après c'est hyper bien conçu si on parle de la conception de la maison, c'est-à-dire que ok c'est petit, ok ça fait que 20 mètres carrés, mais à l'intérieur tu vois déjà dans une caravane où t'as déjà les petits placards en hauteur, les petits trucs, c'est bien fait. Bah là c'est la même chose, c'est-à-dire que tout est optimisé. T'as un peu plus de confort, T'as plus de confort parce que c'est un peu plus grand et puis c'est tous les matériaux sont des matériaux qui résistent au temps, contrairement à une caravane que tu vas utiliser pendant les vacances où t'as des petits conduits en plastique, etc. Là déjà c'est mieux fait, mais en tout cas ouais tout est optimisé, c'est-à-dire que, par exemple les marches de ton escalier qui vont te mener à l'étage, elles servent aussi de placard et puis de sous t'as aussi un autre rangement et puis t'as la table qui sert d'étagère et puis qui se replie en planche à repasser, enfin voilà tout est étudié pour que ça soit le plus pratique possible. Tu vas avoir un objet qui va avoir plusieurs fonctions différentes. Une table, une autre question que je me pose aussi, comment ils font les gens, parce qu'ils doivent bien travailler pour gagner leur vie j'imagine, c'est un peu un concept c'est tout le monde le fait assez mondial. Mais du coup, s'ils se déplacent partout en France, comment ils font pour travailler ? Alors, forcément un boulot qui... Ils font peut-être les saisons. Attention, la tiny house est un mode de vie qui... c'est une maison qui peut se déplacer. Mais tu peux y habiter en étant sur place. Je pense que la majorité des gens qui ont une tiny house se déplacent, mais pas sur du court terme. C'est-à-dire qu'ils vont pas changer toutes les semaines d'emplacement. Mais par contre, je précise. Mais si tu veux y habiter dedans, par contre, faut que tu fasses une déclaration préalable auprès de la mairie de la commune. Si tu as un terrain. Et que tu mets ta tiny house dessus. Tu peux pas t'installer n'importe où. Tu peux te mettre sur un. D'où les contraintes de. Un terrain loué. Acheter ou alors t'as l'accord d'un projet. T'imagines, tu prévois un itinéraire, tu fais le tour de la France, mais tu dois aller demander à toutes les mairies quasiment. Non, c'est pas ça qu'elle te dit, Anaïs. Si tu achètes un terrain et que tu veux t'installer sur ce terrain pour vivre avec ta tiny house, t'es obligé de demander une dérogation à la mairie. Et ta dérogation n'est pas obligée d'être acceptée. Donc il faut se méfier par rapport à ça. Mais par contre, si tu fais de l'itinérant et que tu le fais comme une caravane, comme disait Anaïs tout à l'heure, tu peux très bien t'installer sur un terrain de camping, ça fonctionnera. Par contre, tu paieras le prix du camping, et puis il faut que le camping soit ouvert. Donc c'est là où c'est plus contraignant. Mais il y a le premier village qui a ouvert il y a quelques mois maintenant, qui est le premier village de tiny house. Donc l'idée c'est que on dirait qu'on a déjà pratiqué vu que t'as l'air bien renseigné. J'aime bien. C'est le genre d'habitat dont je me suis renseigné et parce que je trouve ça chouette et j'adhère à ce concept de vie de dire j'ai pas forcément un grand besoin en termes d'espace dans ma maison, d'avoir ce petit confort avec tout sur place, tout optimisé et d'avoir, pour le coup, j'aimerais bien un terrain, tu vois, et avoir de l'espace pour vivre. Mais ça me dirait bien. Et de pas dépenser tout mon fric non plus, parce que tu vois, si tu construis ta maison toi-même, parce que t'as des sociétés maintenant qui le font, t'en as 2-3 en France, mais si tu la construis toi-même, tu te dis, bon, j'en ai entre 20 et 30 000 euros, ça veut dire que tu mets pas tout dans ta maison, ça veut dire que tu as plus d'argent pour faire des sonneries. Économiquement parlant, t'es gagnant, quoi, d'un côté. C'est pas le seul exemple, mais on en avait déjà parlé. C'est le genre de mode de vie où tu te dis que, contrairement à la majorité des gens qui vont faire un prêt sur 30 ans pour payer la maison et qui du coup vont se restreindre sur un certain nombre d'autres activités, là tu te dis je dépense pas tout mon fric dans la maison et je le dépense à autre chose. C'est un concept de vie. Si vous voulez, j'ai un exemple de prix. De prix, quoi. Donc déjà, faut savoir que la remorque coûte environ 6000 euros. Ouais, c'est un prix. Si tu fais en autoconstruction, t'en as pour à peu près 15 000. Voilà, je te disais, Tu peux avoir des remorques sur mesure, c'est ça ? Sur mesure, Non, je sais pas, t'as dit en autoconstruction. Donc non, ça c'est la maison. La maison, c'est-à-dire t'achètes la remorque et après tu bâtis ta maison. Je pensais que c'était les remorques que tu pouvais. Tu peux le faire, mais bon, après ça peut te coûter plus cher. En partant sur une base saine, ça va. Par contre, un petit truc, si vous la construisez vous-même, faut bien faire attention à toutes les contraintes techniques. En tout cas, faire attention à toutes les contraintes techniques et surtout respecter le poids maximum. Parce que là, tu peux te faire avoir, c'est-à-dire que si tu dépasses 3,5 tonnes. Ouais, okay. Si tu dépasses les 3,5 tonnes, en fait... Tu te fais arrêter ou tu te fais contrôler, t'es dans la merde. T'es pas bien. Ouais. Surtout que tu dois la passer en contrôle avant l'homologation. Donc, si tu le fais fabriquer par les constructeurs, donc t'en as pour 40 000 euros. Donc, il y a quand même une différence de 25 000. Après, voilà, moyen, ça dépend des matériaux utilisés, de la qualité des finitions, de l'agencement intérieur, de l'optimisation de l'espace. Ça, si tu mets que des équipements haut de gamme à l'intérieur, je te dis, tu peux arriver à 60 000 euros. Ouais. Après, c'est le grand max hein, quand même pour après, une tiny house. Après, ça va dépendre de l'intérieur, en fait. Ouais, bien comment sûr. Tu fais. Bah, oui. Comme dans une maison classique, en fait. Hein, tu peux acheter une maison à 20 000 euros comme tu peux en acheter une à 200 000 ou à 2 millions. Hein. C'est ça. Ouais. Des choses à rajouter sur le sujet où on a mais terminé écoute, pour la tiny house c'est... Après, on en a parlé. Enfin, t'en as parlé que c'était une maison écologique. Du ouais. fait que voilà, ça chauffe vite. C'est mieux isolé qu'une caravane. Ouais. Bah oui, parce que c'est ouais. des maisons bon, qui après, moi, j'ai jamais dormi en caravane, mais ouais, après, voilà. Il y a effet de serre dans les caravanes. Ouais. Après, t'as des panneaux photovoltaïques aussi. Que tu peux mettre, bah oui, parce ouais, que l'idée. C'est des panneaux solaires en fait. Ouais, en bah bon. C'est ouais. l'idée d'être autonome en fait, hein, le plus possible hein, dans c'est la production. Donc ça peut être autonome plusieurs jours. Ça peut-être pas trop d'impact sur l'écologie hein, pour le coup. Non. C'est un faible impact. Bah, je peux te dire que c'est un faible impact énergétique. Oui, forcément. Comment? Non, rien. Faible impact écologique. Après, t'as un système de filtration des eaux de pluie, collecte des eaux usées, donc voilà, c'est écologique quoi. Ouais, okay. Exactement. Petite question pour terminer. Tiens, Thomas, est-ce que tu te verrais bien vivre dans une tiny house si t'avais l'occasion? Test micro. Check. One, two, ça fonctionne. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? C'est un mode de vie qui pourrait te plaire. C'est sympa, tu voyages. C'est vrai. T'as cette possibilité effectivement de voyager avec ouais. toujours ta maison sur le dos, ça, je trouve ça génial. Au lieu de porter ta valise, tu portes ta maison. Bah, exactement. Jolan ? Bah, ouais, pourquoi pas pour l'expérience en vrai. Tout ça pour les vacances en plus. Hein. Plus pour les vacances, ouais. je me vois pas y vivre toute l'année. Teddy ? Pas du tout. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est peut-être l'un des seuls trucs que j'aime pas trop, mais en même temps, je suis pas très voyage de base. Ah ouais, c'est juste voyage. Mais si c'est aspect sédentaire. Mais l'aspect minimaliste de la maison, est-ce que ça te plaît ou pas? L'aspect minimaliste, oui. Parce que ça, oui, minimaliste, oui, ça me plaît totalement. Toi, c'est une tiny house sans remorque, quoi. Oui, grosso modo, mais je pense pas qu'ils font ça dans l'esprit minimaliste, en fait. Ah, il y a beaucoup de tu ça. Tu peux le dériver comme ça, en fait, ouais. mais je pense pas que dans l'état d'esprit de base, en c'est ça. En France, c'est pas trop du nomade. En vrai, contrairement peut-être aux États-Unis, tu vois, où c'est différent, mais parce que les contraintes aussi sont différentes. Mais en France, souvent, les gens qui ont des tiny house, c'est pas des gens qui voyagent énormément. Ouais, c'est des gens qui ont la possibilité de voyager avec, mais ils vont pas sur c'est la route. Moi, j'ai jamais vu de tiny house sur la route. Hein, de toute façon, faut savoir aussi que pour déplacer tout ça, même si c'est pas un poids lourd, ça coûte quand même pas mal, j'imagine. Il faut aussi les frais du camion. Ah bah ouais, voilà. Il faut avoir un camion. T'as tout à fait raison. C'est soit un gros pick-up, un gros 4x4. Ouais, déjà, faut mettre le capable de la porter quoi. Faut payer le 4x4, faut mettre le 100. Et faut le permis E aussi, hein. Ouais, pour la remorque. Grosse remorque. Parce que moi, j'ai travaillé chez un grossiste en fruits et légumes. Alors c'était juste en dessous de 3,5 tonnes. Et encore, parce que quand on avait notre chargement, ça dépassait. Mais. C'était considéré comme un gros camion quand même. Ouais, ouais. Alors là, attention, c'est la remorque qui fait 3,5 tonnes, mais tu dois avoir un véhicule qui doit sur ton PTAC, exactement, que tu dois pouvoir transporter une charge de 3,5 tonnes. Voilà. Plus donc, le véhicule. Plus le véhicule. Non, ouais, en tout, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Donc il faut un gros fourgon avec un bon moteur ou un gros 4x4. C'est ça, ouais. Parce que plus tu réduis le poids du véhicule, plus tu peux en mettre derrière. Donc c'est pour ça, en fait, tu vois, t'as des gens qui. Et en c'est termes pas très de écolo, coût, ça, par contre. Non, c'est pas trop très écolo, mais c'est, t'as des gens qui peuvent. Enfin, qui construisent leur tiny house et qui se font tracter la tiny house quand ils ont besoin de bouger. Ouais. Ce qui fait que, bah, finalement, ils bougent pas tant que ça. Tu vois, c'est ça, c'est, j'avais vu un reportage sur une fille qui vivait dans une forêt. Elle avait acheté la forêt, elle avait mis une caravane, on va dire. C'est pas une tiny house, mais. Quasiment parce que c'était une caravane assez de luxe, ouais. mine de rien, et ça se rapproche vachement des tiny house. Et par contre, elle bouge jamais, hein. Ouais, elle reste là forêt, et hein. elle vit dans la forêt, quoi. Ouais. Grosso modo, elle a sa petite table de camping devant, elle a son petit coin salle de bain beauté avec trois produits, du coup, pas beaucoup de maquillage. Tu vois, c'est ça aussi le côté minimaliste, c'est que ça. De toute façon, t'es obligé de faire des choix quand c'est comme ça. C'est-à-dire que ton armoire, en fait. Bah ouais, c'est ça, tes vêtements, t'as que ce qu'il te faut. Tes produits de beauté, t'as que ce qu'il te faut. Ça, et elle les achète pas, elle les fabrique elle-même elle avec des produits ouais. naturels. Donc c'est même pas du maquillage. Genre, j'ai pas juste un rouge à lèvres Nocibé ou. Ouais, non, là c'est de l'écorce de bois. Quoi. C'est... Exactement. C'est limite ça. Voilà. Antoine ? Moi, ouais, vivre là-dedans, ouais, j'aimerais bien. Ok. Et Anaïs ? Ça me permettrait de faire le tri. Là, c'est pas faux. Souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de choses, des fois qui ont des grosses maisons avec plein de vêtements, etc. Et bah, ils se disent de toute façon, je pourrais garder qu'un quart de ce que j'ai. Donc, bah, ils liquident quoi. Ouais, non, c'est ça. Donc, tu vas à l'essentiel. C'est retour à l'essentiel. Moi, j'aimerais bien. En vrai, si j'avais la possibilité, si c'était moins contraignant en termes de loi française. Un petit appel du pied au gouvernement s'il nous écoute. Mais c'est le genre de mode de vie qui me plairait. Ouais. Avec un grand terrain. Il y a un autre facteur aussi à prendre en compte, l'aspect famille. Parce que vivre à un, c'est facile. Vivre à deux, c'est tout aussi facile. Il faut même c'est trois. Il y en a qui sont en couple. Trois, hein, ça peut passer. Oui, bah oui, mais en couple, ça va. En couple, c'est mieux que tout seul. En couple, c'est mieux que tout seul. Parce que justement, vous êtes deux. Bah oui, alors ça, merci. Par contre, en famille, oui. En famille, si vous êtes, si vous avez trois enfants, par exemple. Ouais, c'est chaud. Ouais. Là, par contre, ça devient tout seul. Généralement, tu sais que t'as trois enfants. Tu vis pas là-dedans, en fait. Ouais. Bah, oui, j'ai vu des exemples, hein, quand même, où des enfin, si trois enfants, une famille qui le fait, mais honnêtement, je pense que c'est source de conflits. Surtout dans un petit lieu comme ça. Bah, c'est ça, 20 mètres carrés, c'est chaud, quoi. Tu t'entends. Ouais. Donc, non, c'est vrai que t'as raison, Teddy. C'est bien, si un, deux, trois. C'est ça, mais après, si t'es quelqu'un un peu. De solitaire et que t'aimes bien voyager, ça s'adapte parfaitement à certains états d'esprit, à certaines. J'avais regardé ça moi dans la même optique que le bus ou que le camion aménagé. Bah, tu vois, moi j'ai des amis à mes parents qui ont acheté un bus, d'ailleurs c'est un bus sur deux étages. Ah ouais, ils ont aménagé en haut, il y a des lits et tout, enfin c'est un vrai dortoir, et puis en bas il y a un mini bar au fond. C'est un peu comme un truc de l'occasion. C'est un peu comme un camping-car, mais en 10 fois plus grand. Et ils s'en servent pour vivre ou juste pour les vacances et pour voyager. Ouais, pour voyager. Ah oui, c'est bien en fait. J'ai la chambre et tout. Des amis de tes parents. Des amis à mes parents. Ouais. Non, c'est sympa. Sympa. On pourrait faire un studio de radio aussi. T'imagines un studio de radio ambulant là, genre, ça s'est déjà vu. Ça serait cool. Mais ça s'est déjà vu. Oui. C'est pas un concept tout neuf. Mais non, mais quand même, ça serait cool. Non, mais pas trop. T'imagines une des stars qui se déplace dans tout le. Exactement. On vient Ça serait trop cool, hein, la classe. Top objet qui arrive avec l'objet mystère. Vous pouvez voter encore pendant quelques minutes avant de le découvrir, cet objet. Et les autres objets seront à voir directement sur le site indestar.fr. Le temps de placer ces objets et d'écouter de la musique. On a de la bonne. On a Mashup Dan Encounter. C'est Dance Monkey Dance comme Justice. Le titre est Monkey comme Dance Monkey de Tons and I. La chanson que vous écoutez depuis 6 mois en boucle à la radio. Jusqu'à 23h. Quiz, record, histoire et objets insolites. C'est Actu Solide sur Indestar. Ouais, c'est... J'ai faim. Plus qu'à Alain. Ah ouais, elle est excellente, cette musique. Alain, parce que j'aime bien. T'as grignoté toute la journée. C'est un Québécois. J'ai faim. Plus que Alain. Je veux des craquelins, je veux des raisins, un morceau de pain. Ah oui, on aime la bonne musique sur Indestar, on a de bon goût. La YOLO musique, les YOLO musique, ça on aime ça. Et je croyais qu'il y en a encore. Ouais, moi aussi je croyais qu'on avait. C'est tellement réaliste. Tout à l'heure on aura notre YOLO musique à nous. Parce que toutes les semaines on fait de la musique. Ouais. Parce que c'est bien de se moquer des autres, mais c'est bien de se moquer de soi-même aussi. Oui. On a de l'autodérision sur Indestar et dans Actu Solide. Surtout Denis. Surtout. De quoi? C'est bien de se moquer de toi. Sur Anaïs. Ouais. Pourquoi moi? Parce que j'ai décidé que c'était toi. Le top objet, comme chaque semaine, on a été déniché sur internet des objets les plus insolites possibles pour vous les communiquer si vous avez des petites envies, soit pour vous, soit pour vos proches. Hein, ça fait toujours plaisir d'offrir un objet bizarre, un objet qui sert à rien à vos proches. Et on a aussi l'objet mystère. D'ailleurs, tu peux aller mettre la tablette pour savoir où on en est au niveau du sondage de l'objet mystère. C'est bien de le faire pendant la musique. Est-ce que tu sais comment il marche au moins? On a ça, en tout cas l'objet de Jolan. Alors, attends, je vais prendre. Donc, si vous êtes sur indestar.fr, vous pouvez le voir à l'écran. Il s'affiche. Vous avez deux personnes qui ont l'air étonnées. Enfin, une personne qui a l'air étonnée, une personne qui veut croquer cet objet qui ressemble à un grand serpent translucide. Mais c'est un serpent. Qu'est-ce que c'est? C'est bien un serpent. C'est bien un serpent. Qui mesure 2 mètres, c'est ça, hein? Ouais, à peu près. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il le porte à deux, j'imagine. D'accord. C'est un serpent fictif, hein, j'imagine. C'est lourd, hein, en vrai. Ouais, c'est le porte à deux, je pense. On dirait que c'est Angèle, un truc. Angèle latine. Angèle latine, ouais. Et c'est un objet qui coûte 115 euros. 115 euros, mais ça sert à quoi? Bah, c'est un bonbon. C'est un bonbon. Oui, c'est ça, ouais, c'est un bonbon. Ah, c'est un Haribo taille XXL. Alors, je sais pas si c'est Haribo qui fait ça, mais... Point de vue hygiène... Je suis pas sûr que ça passe, en vrai. C'est pas top. C'est pas top. Parce que tu peux pas le manger en un coup. Parce que sinon, tu serais vite malade. Si tu... Je crois qu'il faut 4 semaines pour le manger. 4 semaines. Ouais. Donc du coup, tu peux pas le mettre au frigo non plus parce que ça mesure 2 mètres. Donc tu le laisses traîner. Si, ça tu peux. Faut l'enrouler. Ouais, mais ça se colle après. Bah, c'est un bonbon. Ouais, non. C'est... Dans les boîtes Haribo, tu mets des bonbons, plusieurs bonbons. Ouais. Et ils se collent pas, forcément. Ouais. Bah, ouais. Je sais pas. Bah, ouais, bon, bah, voilà. Mais ça t'encombre ton frigo. C'est ça. Ah ouais, c'est un peu chiant. Donc, si vous voulez retrouver cet objet, c'est sur commentseruiner.com. Ouais, d'accord. Mais ouais, c'est un bras encombrant et ça prend un peu la poussière. Mais puis j'imagine qu'il est emballé en fait. Ouais, je pense aussi. Parce que là, il montre déballé, mais ça, c'est pour la photo. Ouais, sinon, tu le déballes au fur et à mesure. Mais je du coup, pense. Tu profites pas vraiment de l'objet. Tu fais comme les réglisses, tu les déroules. Toi, t'as un serpent emballé que tu manges au fur et à mesure, finalement, tu le vois pas. Ouais. Bah, tu le coupes en rondelles et tu le manges. C'est l'autre manière de manger. Une rondelle de serpent. Ouais, bon. Faut être fan de bonbons quand même. Hein. Ouais. C'est vrai. Ok. Je l'achète moi. C'est vrai. À 115 euros, tu l'achètes. Ah, mais t'es ouf. Et bah, si tu veux, ouais, il c'est a l'argent. Ah, pas tout de suite. Hein. C'est sur commenceruiner.com, Jolan, c'est ouais, ça. C'est ça. Ouais. On passe à l'objet, non pas de Teddy, mais d'Antoine. L'objet d'Antoine. Non, c'est pas le mien, sûr. C'est pas le mien. C'est le mien. Alors attends, l'objet d'Antoine, il est là. Ouais. Ce sont des lunettes. Ouais, les lunettes, c'est un concept de vieux comme le monde. Elles sont un peu particulières peut-être. Ces attention. C'est les lunettes Thug Life dans les. Bah oui, dans. Tu souvent dans les vidéos. En fait, il y a des vidéos YouTube, que. Qui mettent les lunettes comme ça. Par j'ai exemple. Déjà vu ça, mais en ne sachant pas ce que c'est. Alors expliquez-moi. Par exemple, en gros, tu vois, t'as un mec, il est devant KFC. Il voit un poulet passer. Oui. Et ben là, tu vois, on va dire que c'est un Thug Life le poulet parce qu'il est pas mort. Parce que KFC c'est que de la viande de poulet. Oui. Donc forcément, genre, c'est un ouf dans sa tête. Du coup, on va mettre l'image en pause et on va faire des lunettes de soleil qui vont arriver sur le coq. Et on va écrire Thug Life. Genre, c'est un ouf dans sa tête le coq. D'accord, donc ça veut dire ouf dans sa tête. Ouais, gros, grosso modo, c'est un ça. Un peu aussi quand des gens, tu sais, qui se rebellent un peu. Genre, toi, ils font un truc genre. Le Thug, ouais. Ouais, ok. Donc ces lunettes, est-ce que tu vois à travers? Oui. Ouais, c'est la soirée, c'est pour voir, ça serait mieux quand même. C'est plutôt sympa du coup comme concept. Ouais. Ça reprend des codes internet. C'est ça. Ouais, et alors ça vaut combien? Ça vaut 1 euro sur Wish. 1 euro? Au lieu c'est de 26. Donné. Eh mais c'est donné. Un truc c'est au lieu de 26. Pourquoi au lieu de 26? Non, non, mais ça c'est l'argument marketing. Ouais, ça. Oui, ça c'est sur Wish. Ouais, ça va les 80 euros. Ça va les 800 balles. Et non, c'est 1 euro. Mais surtout, faut que tu te méfies de ça parce que si tu vois, ça vaut 1 euro au lieu de 26, dis-toi, c'est pour combien de temps? Parce que si c'est pas pour combien de temps, ça veut dire qu'en fait le 26 c'est juste pour faire on leur met ça comme ça. Oh, ah bah oui, faut c'est l'acheter. Ça. Voilà. Parce que c'est une affaire et parce qu'on aime bien faire des économies. En tout cas, j'aime bien l'idée parce que si ça reprend les codes internet, ouais, why not? Et puis 1 euro sur Wish en même temps, on se ruine moins que les 115 euros du serpent de Jojo. Hein, c'est ça. voilà. Après, il y a le dentiste à payer avec le serpent. Oui, aussi, ouais. Je valide. Alors. Maintenant, nous avons l'objet d'Anaïs. C'est ça. Qui s'affiche en ce moment sous nos enceintes. Ouais, donc j'ai un peu repris l'idée d'Amélie en fait. Là, c'est une autre colonne, mais fleur de cannabis. Ah ouais. Donc la drogue, c'est mal, hein, on rappelle. Ouais. Mais vous pouvez, par contre, en toute impunité, avoir l'autre colonne qui sent cannabis. Par contre, vous n'êtes pas à l'abri qu'en cas de contrôle de police, ah bah là, t'es dans votre appart, mange le l'autre colonne cannabis. Non, mais t'imagines dans la voiture, tu te mets un petit coup de parfum avant de partir. Ah, j'avoue. Et là, Ah, et t'as les flics qui débarquent avec les chiens. Waouh. Ouais. Bah là, ils te mordent les couilles direct, les chiens. Et tu mets pas du parfum aux couilles. Alors, Jolan, tu mets du parfum où tu veux. J'aime bien. Ouais, j'aime bien une petite phrase du descriptif. Ouais, on va y arriver. Descriptif. Non, mais ce soir, j'ai l'impression que tout le monde bug. Hein, en fait, ça dit vous pouvez la sentir, mais ne se fume pas. Titre. Pardon. Ouais. Vous pouvez la sentir. Mais ne se fume pas. Non. Effectivement. Non mais et tu sais c'est ce bien. Truc là ça me fait penser au mec en manque quoi. Ouais. Il fume plus tu vois il a arrêté depuis 3 mois il fume plus mais par contre il lui faut sa petite autre colonne cannabis sinon il est mal. Ouais, bah, et ça... après faut expliquer aux gendarmes qu'en fait que c'est de l'autre colonne et c'est pas t'as vraiment pas fumé. C'est ça. Non mais ça peut être compliqué un petit peu à justifier. Ouais. Donc ça coûte 20 euros sur commenceruiner.com. Aussi. Ok c'est bien moins cher. Ah comment ça copie. Pas du tout. Antoine. Ton objet. Il vient de le faire. Ouais, et tu viens de le faire. Donc il ne reste plus que moi. Toi. Et moi, j'ai pas mon portable. Donc si quelqu'un peut aller me chercher mon portable, Jolan, merci beaucoup. Je vais. T'as pas d'image? Bah, j'ai l'image, mais pour vous présenter les infos. Ah. Si tu veux, on peut faire l'objet mystère entre temps. Ah, on peut dévoiler l'objet mystère. Eh oui. On en est à combien au niveau des votes? On a 8 votes. Ça, c'est bien. Vous avez été nombreux à voter cette semaine. Est-ce qu'il y a... Ouais, donc... Est-ce qu'il y a... Hey, y a... Alors, oui. L'objet mystère, c'est celui d'Anaïs. Merci beaucoup. Non, c'est celui de Teddy. C'est pour ça que je ne présente pas ce soir. Attends, je vais reprendre. Un petit cafouillage. Alors, nous avons une bague. Une bague, dessus, il y a des chiffres qui sont éclairés. On vous avait fait deux propositions. C'était quoi ? C'est ça. Alors, c'était soit c'était une montre, enfin, une bague qui donnait l'heure comme une montre, soit c'était une bague qui donnait l'anniversaire de mariage. Ouais. Et du coup, on a eu 5 votes pour l'anniversaire de mariage et 3 pour la montre. Alors, quelle était la bonne réponse ? Ah, j'ai pas de roulement de bâton. Ah. Eh ben, c'était une montre. C'était une montre. Ouais, et donc voilà. vous êtes tombé dans le panneau. Hein. C'est ça. Ouais. Sauf Guélan. Ouais. Ou Daniel qui viendra jeudi d'ailleurs dans Peck Avenger. D'accord. Je sais plus qui c'est dingue. D'accord. Voilà. Okay. C'est moi. C'est toi en plus. Alors, oui, c'est ça. Alors, j'ai aussi participé d'ailleurs. Ouais, oui. Mais toi, t'as eu la mauvaise réponse. Ah merde, fais chier. Ça et bizarrement, ça m'étonne pas. Ah, bah, je voterai plus alors. Bah attends, mais je mets la bonne réponse, t'as cru quoi. Bah oui. Non, mais c'est bien, merci d'avoir participé. Pour une en tout cas, les gars d'Indestar sont forts. Donc, c'était une montre qui donne l'heure, donc du coup, on l'avait précisé. Une montre qui donne l'heure. Ouais, c'est bien pour une montre. Comment ça marche ? Ben, c'est simple, en fait il y a plusieurs anneaux sur la bague et j'ai l'impression qu'elle est électronique parce que du coup, oui, ça s'éclaire en fait. Ouais, voilà, ça s'éclaire en fait. Ouais. Du coup, c'est chouette, je trouve. Ouais, franchement, c'est vachement cool. Par contre, je me pose une question, c'est quand tu la portes, parce que les chiffres sont sur tout le tour de ta bague. Donc, pas ton poignet comme tu nous montres ? Pas mon poignet comme je le montre, ouais. C'est sur le tour et. Ouais, et en fait, une bague ça ressemble doigt... à ça. Tu vois, j'ai des bagues au doigt, tu vois un peu le délire. Donc, t'imagines que t'as. On est d'accord, que mais. Que t'as l'heure autour de tes doigts. De mes doigts, voilà. Mais t'es obligé de tourner ta bague pour voir l'heure. Ou si tu vois bien sur l'image, on a l'impression qu'il y a deux cercles de métal. Et en fait, de on métaux. Peut tourner. Non, de ouais. métal. De cercles de métal. Oui. Pourquoi tu me fais un doigt, Théo ? Non, c'est parce c'est que. C'est un cercle. Non, mais c'est deux cercles. Bon, c'est du métal, bref. Voilà, et en fait, je pense qu'il y a un des cercles, bah, évidemment, il touche ton doigt et du coup, il tourne pas. Mais le deuxième qui est dessus, je pense qu'il y a un espèce de roulement et du coup, ouais, tu peux le tourner. Mmh non, ouais. pas pour le régler. Non. Ouais. Justement, pour, juste pour. Bah non, parce que si. Bah non, parce que si, imaginons, il est dans un de tes plis, tes doigts, l'heure. Tu ouais, vois pas quelle heure il est. C'est peut-être un petit peu relou à pour lire l'heure, mais en tout cas, c'est stylé. Et dans le noir, ça doit être sympa aussi. Effectivement. On te voit de loin. Ah, 20h15, viens. C'est stagiaire. Exactement. Non, c'est sympa. On te repère à 100 mètres. Par contre, ça coûtait un peu cher. Ah, combien ? 175 euros sur commencementsruiner.com. Ah oui, perdre la bague. Moi, perso, je garde le bonbon. Ouais. Non, non, moi je préfère la bague. Je préfère la bague. En vrai, moi aussi. Je suis pas bijou. Elle est plus stylée, la bague. C'est un bijou de technologie. Ouais. Technologie ou pas, moi, j'aime je suis d'accord. Les... Et Thomas, t'en penses quoi de la bague là ? Elle est stylée quand même. Ça va. Tu prends ça ou le bonbon ? Non, ça. Allez, grande question. La bague. Allez, poum, dans ta gueule. Non, franchement, j'aime bien. Après, ouais. Je dépenserai pas 200 balles pour acheter non. ça. Mais si on me l'offre, dis pas mais non. Mais si on me l'offre, dis pas non, effectivement. merci d'avoir voté. Prochain sondage, ce sera pour la semaine prochaine et on vous le postera mercredi sur la page Facebook. Ça vous aurait toute la semaine, hein. On a décidé de faire ça. C'est quand même plus intelligent. On a mis 6 mois pour y penser, mais. C'est vrai, mais en même temps, il y a Anaïs qui était avec nous, donc c'était compliqué. C'était plus difficile. En fait, on avait l'idée dès le départ avec Teddy, et puis Anaïs, au départ, elle a dit non, mais c'est pas bien, et tout ça, et puis elle est revenue sur sa décision. Bah, j'ai rien dit. C'est que maintenant qu'a tilt. Je me demandais quand est-ce qu'elle allait réagir. C'est ça. Attends, le temps de latence, mec. Alors, moi, j'ai un objet, ou plutôt des objets, qui ont quand même une note de 3 sur 5 sur Amazon, et pourtant. Je trouve que c'est un truc dangereux, mais de ouf quoi. Vous avez un kit de tatouage professionnel complet pour débutants à seulement 46,95€ sur Amazon. À clic de raison gratuite, s'il vous plaît. Donc vous avez dedans, dans ce kit, une machine à tatouer, des encres, des aiguilles, une alimentation, des cordons, des pédales, tout ce que vous voulez pour faire des tatouages. Donc ça veut dire que si vous prenez ce kit. Vous êtes bourré en soirée. Oh non. Il y a un pote qui vous fait ouais, vous voulez un tatouage, machin, avec un éléphant et tout. Toi, tu fais ouais, j'ai un kit de tatouage, je peux le faire ton tatouage si tu veux. L'autre, il fait ouais, pourquoi pas. Donc, bon, l'impression, c'est Jean-Marie Bigard qui parle. Le mec se retrouve le lendemain avec un tatouage à vie sur un pauvre éléphant que t'as raté. Tu vois, en vrai, c'est hyper dangereux. Comment tu peux faire ça, quoi ? Pourquoi ? Bah, c'est pas si dangereux que ça parce que comme tu as dit c'est un kit pour débutants mais il y a plein de choses qui sont pour débutants et qui pourraient être dangereuses si c'est mal utilisé. Ouais, ou... non mais attends, là on est sur un truc qui est indélébile quand même, Teddy. Bah ouais, mais bon, il y a plein de choses que si tu rates dans ta vie pas, c'est fini. Ah, bah, après je sais pas si tu te coupes un doigt avec une scie sauteuse pour débutants. Et ben pour le coup là t'es dans la merde. Ouais, j'avoue t'es mais, pas loin. Mais là, je trouve juste c'est la mauvaise idée, quoi. Ah tu vois non, mais surtout que c'est en vente libre, quoi. Parce que le coup de d'être coupé à doigt, machin, même quand t'es bourré, en principe, tu penses pas, tu vois. Parce que ça fait mal, tout non, même. Mais tu peux essayer de faire du bricolage quand t'es bourré. Oula, ouais, ça ouais. pourrait être drôle. Ouais, t'es vite, mais ouais, tu pourrais. Mais là, le kit de tatouage, tu vois, suffit qu'il y a un ouais, bon délire, on se fait un tatouage et le lendemain, tu le regrettes. Alors, quand c'est des tatouages carambars, ça va. Mais quand c'est un tatouage indélébile, c'est quand même. Imagine si Amélie, elle a ça. Non, mais c'est pas possible. Mais donc, déjà, qu'avec cheveux. Non, mais déjà, quand t'avais te coupé les cheveux, elle rate. Alors, t'imagines si elle te faisait un tatouage. Ouais, imagine, c'est mort. C'est vrai que t'es complètement raté. Et t'imagines, c'est moi qui coupe les cheveux d'Amélie. Ça, c'est toi qui coupe les cheveux d'Amélie. Ouais. Ouais, bah c'est. Ah, tu lui fais un trou, s'il te plaît, pour dire oh, j'ai pas fait exprès, faut te raser. Et est-ce que vous connaissez l'émission qui s'appelle Tattoo Cover? Non. Non, mais je connais Ink Master. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est les Américains. En fait, ça. Tattoo Cover, donc, bah, comme le nom l'indique, c'est des gens qui viennent dans un salon de tatouage ouais. pour se faire recouvrir un tatouage. Ah, ça veut dire qu'il y a un tatouage raté qu'ils ont c'est avant ça. Et ils vont en refaire un par-dessus pour le cacher. Pour que ce soit okay. plus joli, quoi. Et genre, il y en a plein genre, qui vont en fait, qui se font tatouer les fesses. Ouais, qui, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais vu un épisode de cette émission. C'est... Il y a un mec qui avait écrit le nom de sa belle-mère sur la fesse droite et le nom de sa copine sur la fesse gauche. Comment tu peux écrire le nom de ta belle-mère? C'est horrible. Tu peux pas faire ça. Bah, le mec, elle est peut-être bonne. Le mec, il l'a fait, quoi. Mais il le regrette aujourd'hui parce qu'il bah, après il s'est fait tatouer le cul donc oui qu'il après le regrette, oui il faut le recouvre. Il y en a plein des concepts comme ça. Il y a aussi le concept où qu'ils recouvrent des cicatrices avec un tatouage ou qu'ils intègrent la cicatrice dans le tatouage. Ouais, aussi. Ça pourquoi ouais, pas ce concept là qui est moins pas mal et tout, ça, ouais. C'est génial ce concept là. Il y a aussi le concept du tu vas te faire tatouer mais tu sais pas ce que tu vas te faire tatouer. Ah non, ça c'est mais... horrible ça, c'est... Ah, ouais. ça j'aime pas du tout, je le ferai jamais. J'aime pas du tout. Non mais il faut le jamais. En vrai, il faut pas faire ça. Non mais j'avais vu un c'est truc américain, pareil. Ils ont tous les droits. Là par contre, c'était des Français qui le faisaient et c'était le concept dont tu parles. Le mec, il allait dans le salon de tatouage, ils avaient pris rendez-vous. Et il savait pas ce qu'il allait se faire tatouer, il s'est fait tatouer le personnage de Jar Jar Binks de Star Wars. Sur l'épaule. Le personnage de quoi? De Jar Jar Binks, tu sais le ça, le ver de terre. Oh non, non, c'est le. C'est Jabba le Hutt. Oui, c'est le. Merde, le... c'est celui qui. Oh, je sais plus. Ouais, d'accord. Non, bon, bref. C'est pas grave. Bon, par contre, il y a un autre concept aussi comme ça où que tu te fais tatouer ce que ton copain a décidé, mais toi tu le sais pas tout de suite. C'est et horrible. Tu le découvres au moment. Il faut de pas accepter ce genre de truc. Alors, tout ce qui est en rapport avec les prénoms. Oh ouais, non, faut pas. Encore les enfants. Bon, mais non, mais attends, t'as une meuf qui s'est fait tatouer un gorille avec une banane sur la cuisse. Genre, ça prend toute non, la non, cuisse. Mais ça peut être artistique si t'aimes donc quelqu'un. Non, c'est moche. À la limite, mais tout ce qui touche au prénom, alors sauf je dis les enfants, moi je suis pas fan, mais en même temps, le prénom de ton fils ou ta fille, normalement tu l'auras toute ta vie. Mais le prénom de ta copine ou ton copain, non, parce que si t'es plus avec. Bah ouais, non, mais t'imagines, oh, mais c'est qui Marie? Ou alors t'es obligé de retrouver une Catherine si t'étais avec une Catherine, c'est le bordel, quoi. Voilà. Et puis non, le nom de la belle-mère surtout pas et ouais. La surprise non plus. On n'est pas à une fête d'anniversaire. Tu le revends pas sur eBay ton tatouage, tu vois. Non, hein, faut pas faire ça. Il faut que ça soit quelque chose de personnel, réfléchi et parce que tu vas le garder toute ta vie simplement. Bah. Donc non, faites pas les cons. Pour un bon délire. Non, ça peut être. Tu vois. Tu mets vraiment un endroit que tu ne vois pas. Ah, sur le cul. Ah bah si, ça veut... bah si, en tant que nudiste, tout ça. Fuzeta, Paviao, Chinese, on est déjà vachement en retard sur Actu Solid. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un instant, c'est l'étape délire, l'étape record que nous allons tenter de battre dans les studios, filmé et retransmis bientôt sur la page Facebook d'Indestar. Jusqu'à 23h, quiz, record, histoire et objets insolites. C'est Actu Solid sur Indestar. De retour dans Actu Solide sur Indestar, effectivement, où que l'on va faire le record de cette semaine, n'est-ce pas Anaïs? C'est ça. Il consiste en quoi? Alors, vous voyez des petits ballons de baudruche avec de l'eau dedans, vous voyez une corbeille, donc le but, je vais vous attacher les pieds, comme ceci, et donc il faudra sauter pour mettre un ballon dans la corbeille. Vous avez capté le truc? Je pense qu'on a capté, par contre ça me semble très difficile. Après je sais pas ce que t'en penses Thomas. J'ai capté mais ça a l'air difficile. La même chose. Merci de faire le perroquet. Bon alors qui commence? Thomas ou... Ah ça dure une minute hein. Ok alors je vais te lier les pieds avec un truc. Oh le merdier. Avec rien du tout je crois que ça sera déjà bien assez dur. Les pieds joints par contre. Parce que de toute manière tu pourras pas écarter les pieds sinon ça tombe à côté. On est d'accord qu'on peut se mettre auprès de la corbeille pour le. On peut se mettre à la distance où on veut. Hein. Est-ce que Thomas a droit à un essai déjà avec un ballon juste pour tester? Vas-y, fais un essai comme ça à blanc. Alors, on a mis tout dans l'open space, hein, déjà pour la distance, et puis en plus parce qu'on se dit que les ballons de baudruche qui sont remplis d'eau peuvent exploser à tout moment, donc on n'a pas envie de mettre de l'eau sur le matériel du studio. Alors, vas-y, teste. Ouais, déjà, faut que ça tienne sur tes chaussures. Faut que tu replies tes doigts de pied vers le ciel. Voilà, c'est ça. Et saute. Hop, c'est bien. Et en sachant que si vous éclatez un des ballons, et ben forcément, vous avez plus que deux ballons après. Et donc, vous devez enchaîner différemment. Non, mais après. Ça, on verra ça après. Évidemment, le ménage, voilà. Alors, Thomas, est-ce que tu es prêt? Psychologiquement, peut-être pas, mais... Oui, tu auras une minute, effectivement, pour mettre le maximum de paniers qui va être compté par Antoine. Et Teddy va pas tacler nos invités, quand même. Hein. Je tacle pas les invités? D'accord. Ouais, donc dépasse pas 3. D'accord. Es-tu prêt, ouais, Thomas? Attends, non, je ne suis pas prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 0. Allez, 0. Il vise très bien à côté. Merci. Alors ça c'était pour la caméra. Alors est-ce qu'il va y arriver sûr? Et deux, non, parti. En plus ils sont pas très bien gonflés, tu vois. On a mis très peu d'eau justement pour vous. Il reste 30 secondes. Et pour pas qu'ils éclatent aussi, parce que plus il y a d'eau, plus ils éclatent évidemment. Tu as dit? Je me suis arrosé en le remplissant d'eau. 30 secondes. Effectivement, c'était assez galère à remplir quand même, je dois avouer. Parce qu'en plus, quand on mettait de l'eau, on a essayé de le prendre à la fontaine d'eau. Enfin, remplir. On a mis le ballon dans la fontaine. En fait, c'est l'air qui remontait dans la fontaine. C'était même pas l'eau qui coulait. T'es dit, il reste 16 secondes au chrono. Il te reste 16 secondes pour en mettre encore un, pour sauver ton honneur. Parce que ton honneur est un peu dans la merde là. 9. Tu en as mis 1. 7. Yann pourra peut-être te battre. 5. Ça c'est fini, je viens d'entendre le gong. Hop là, c'est fini. Ah, donc tu as bien un point. Qu'en as-tu pensé de ce record? Très compliqué, soufflant. Compliqué et soufflant. Ah, ça donne quoi? Voilà. Parce que moi je vois rien. Mais par contre, on notera qu'il n'a éclaté aucun ballon. C'est déjà pas mal. Donc on pourra les lancer sur des gens. Juste par rapport à la performance de Thomas, on est d'accord. C'est loin d'être ouf. Cela dit, vu comme c'est compliqué. Franchement, si j'arrive à l'égaliser, déjà je serais content. Pense. Ah oui, parce que moi j'ai un défaut, c'est que j'ai des plus petits pieds. C'est une excuse ou bien? Non, c'est pas une excuse. Je sais pas si c'est une excuse, mais si vous voulez, je peux te donner un conseil, essaye de penser en hauteur. Plus tu l'envoies vers le haut, plus ça marchera mieux. Pourquoi pas? Alors. Vous me dites quand je lance le chrono, hein, s'il vous plaît. Et ben, du coup, je fais un petit décompte, Jolan. Ouais. 3. 2, 1, arrose! Et voilà, et c'est super, il envoie tout dans les mains d'Antoine. C'est ça, voilà. On le sent bien qu'il a envie d'essayer là, il met ses petits citrons là. C'est ça! Oh mon dieu, il a failli éclater un ballon en sautant dessus! Et là, il l'envoie sur la tête d'Antoine en fait le truc. Le orange n'est pas pour lui, il n'a pas droit au orange. Alors Théo, il te reste 30 secondes. Ok, bon bah finalement, c'était peut-être pas mal. Hein. Bon, mais... 20 alors, secondes Théo. Il les envoie beaucoup trop loin. Saute légèrement, tu les envoies trop loin. Doucement. Ah les bourrins. C'est que... la vache. Il te reste même pas 10 secondes. Il te reste 10 il secondes. Saute quand le ballon est à côté. Oh, il a mis un point. Et c'est la fin. Ok, donc il a mis un point. Il a rebondi sur Antoine, mais il a mis un point. Attendez. J'ai une idée pour vous départager. Je sais pas si le point compte. Est-ce que ça mérite des applaudissements ou pas? Ok, oui, mais je le compte quand même pour l'effort. Mais de toute façon, j'ai une idée. Pour vous départager, c'est simple, on va mettre la corbeille au milieu. Vous allez tous les deux avec vos deux ballons. Le premier qui le met dedans gagne. C'est pas grave. Voilà. Allez, maintenant vous allez souffrir, mais à deux. C'est-il pas génial comme idée, n'est-ce pas? Non, mets-toi là, Thomas, effectivement. Il te manque un ballon. Eh ben, c'est pas grave. Au pire, on retire un ballon. Bah oui, mais sauf que s'il roule, et ben le temps que vous allez les chercher, forcément, ça change tout. Donc tu n'as plus que deux ballons ? Ah là là, mais Antoine, il est vraiment mauvais. Hein. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Allez-y, vous avez le droit de poser un ballon. Voilà. 3, 2... 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, c'est super, ils s'échangent les ballons. Ouais. Je note une technique remarquable. Anaïs, vas-y, va aider Antoine, le ramasseur de balles. Mon Dieu. Oh là là, oh, c'est magnifique. Comment vous êtes nuls. Oh purée, oh c'était pas long. Antoine, il n'y a plus de ballon orange. Je veux pas dire, mais les ramasseurs de balles ne sont pas très efficaces. Hein, dans la... bah, c'est pas ton rôle, c'est pas ton rôle. Oh là là là là. Voilà, on envoie. Alors, qui va y arriver ? On ne le sait pas. On va peut-être mettre une musique, on va laisser se démerder. À force. Ouais, on balance la wow musique. Eh ben non, on n'aura pas besoin de plus de la musique. On s'en fout. Il compte. Il a fait tomber la poubelle, mais il compte quand même. Il est rentré. Voilà. Donc, c'est une victoire de Thomas par KO. Bravo, on l'applaudit Christophe, mais il s'appelle pas Christophe. Donc, on applaudit Thomas. Voilà. Eh ben on va partir en musique maintenant. Exactement, mon cher on va. Enfin, non, on va pas partir. On reste. Oui, mais on écoute Chloé Stafleur, évidemment, avec son titre Je l'aime à mourir. Une reprise de Francis Cabrel. Exactement. Voilà. Qui avait été repris d'ailleurs par Shakira aussi. Ah oui, et en version, version espagnole. A Caramorea. Ouais, mais. Caramorea. T'as l'air essoufflé, dis donc. Non, pas du tout. Bon, allez. La suite c'est C-T-U-S-O-L-I-T-E-S. Jean-Pierre. Actu solide, comme mon émission préférée sur Indestar. Bravo Jean-Pierre, vous gagnez un dictionnaire dont vous n'aurez pas besoin pour écouter votre émission. Ah ça c'est sûr, il n'y a pas besoin pour écouter Actu solide de dictionnaire. Ou de Becherel. Par contre, des oreilles et des bonnes pour apprécier ces bons titres que vous entendez dessous. Ça c'est fortement indispensable pour écouter Indestar en règle générale et plus particulièrement Actu solide le lundi soir. Écoutez ça comme c'est bon. Ça fait à peu près ça fait porno. On dirait un âne. Ou moi quand je suis essoufflé après un record aussi. Ça monte hein. Et ça, si vous êtes en voiture. Ça, c'est de la techno. Eh, hey, montez l'autoradio. Montez le son du volume maximum. On s'est parti. Et trois billes de ses oreilles. Ouais, t'as pas un petit peu de reverb là, juste pour le kiff. Pour moi, si, attends. Faut faire ça. Attends. Bon, ce soir, mon wine. Hein. Attends, c'est pas le bon son. Ah, c'est pas le bon. On se soit moins loin hein. C'est parti. On s'est pensé, attention, techno tuning volume 3. On vend dans tous vos marchands de journaux pour seulement 3 francs 50. Je rappelle bien entendu que Dance Party volume 4 sera bientôt disponible avec une radio. Ainsi que les Dance Machines au Stade de France qui sera bientôt construit. Est-ce qu'on est encore en 96? Bon allez, on a fini de délirer. Vas-y. T'as fini de délirer. Oh, y a encore de la réverbe. Je m'y attendais pas. Mais non, t'as raison, on n'a pas fini de délirer. C'est comme ça jusqu'à minimum 23h. Il est déjà 22h40. On en est à la moitié de l'émission, c'est génial. On va speeder. On a... Comme la musique, on speed. Exactement. Tiens, je vais remettre une musique plus soft. Voilà, quelque chose merci. De plus gentil. Ah, j'ai mon petit cœur, il va mieux. Quelque chose de plus doux. Je comprends, faut faire attention à ton petit cœur, Jojo. On va reprendre aussi nos ardoises qu'on avait tout à l'heure, qui vont nous servir pour dire si les histoires qu'on va se raconter sont vraies ou fausses. Je rappelle que ceux qui auront une majorité de mauvaises réponses devront faire les jingles à la bouche à la fin de cette émission. Et ça va être Joe. Bah, je sais pas, parce que vu que c'est bien ma veine ce soir, je suis capable de devoir j'espère, les faire. J'espère, j'aime pas les faire. Alors, on commence par l'histoire de Jolan. Ok, bon. Il y a eu un moment. Alors. Mais c'est toujours comme ça, en fait, il y a un peu de suspense quand même. C'est souvent qu'on commence par toi. Ouais. Ah, bah des fois tu changes, tu commences. Alors, ou Je commence. En Californie, aux États-Unis, je précise. Ouais. Des flics ont retrouvé. Non. Un homme a volé un véhicule SUV devant une église de Los Angeles et un corps dans la même occasion. L'homme a été arrêté après une course poursuite. Bien sûr, le corps était toujours à l'intérieur. Attends, il a fait exprès de voler le corps ? Non. En fait, il a volé la voiture. Non, il a volé en fait la voiture. En fait, il y avait un cadavre dedans. C'est ça. Du coup, l'homme risque 30 ans de prison car il a commis déjà ce. Je bégaye, pardon. Est-ce qu'il a déjà volé une voiture ? Il a déjà commis ce genre de délit. De délit. Ouais. On a du mal, hein ! C'est ouf ! Il a du mal quand c'est passé mot. Bon, en vrai, ça aurait pu être quelque chose que t'inventes parce que l'histoire. Bon. Attends, j'ai pas mis ma réponse. Ouais, parce que l'histoire elle est un peu pourrie. Bah, j'ai bafouillé, ça me fait chier. Non, c'est pas ça. En plus, j'avais répété mon speech, bordel. C'est quand, en vrai, l'histoire elle est pas ouf. Alors, si, elle est ouf. Parce que. Tu vas le mec, il vole un corbillard et SUV voilà. Avec le corps en même temps. Tu peux dire un truc ? Oui. Je l'ai fait il y a deux semaines cette histoire. Ben il me semble que oui. Je l'ai fait en multi-quiz même. T'avais pas volé une voiture toi ? Non, pas Antoine personnellement, mais. Une voiture de flic ? Non, je l'ai fait en multi-quiz. C'était pas avec les flics. Je l'ai fait en multi-quiz. Tu l'avais faite ? Je l'ai fait en multi-quiz, même que j'ai mis cette quiz. Toi t'es un multi-quiz. Multi-quiz. T'es un multi-cuiseur en fait. C'est un Thermomix. Regarde. En Californie, le 26 février, un homme vole un SUV. Qu'avait-il dedans ? Petit A, un cadavre comme passager ? Petit B, un pitbull qui l'attaque ? Ou petit C ? Ouais, mais si c'est un cadavre comme passager, il peut pas être passager vu que c'est un cadavre. Théoriquement parlant. Mais, coup, si, parce que c'est un passager qui a la place du passager et c'est la place du mort. Non, mais du coup, j'ai modifié. Du coup, faites voir vos. Bah, du coup, oui. J'ai vrai. Bah, non. Bah, si. Le début est vrai, mais la fin est fausse. Qu'est-ce qui est pas faux ? Bah, il a pris 30 ans de prison. Il y a pas de prison. Non, attends. Mais si ! Bah, si, attends, ça joue. Mais non, si, c'est ce que je fais généralement quand je modifie l'information. En fait, j'aime bien vous mettre le doute au début. Ouais. Je sais que l'histoire est vraie, mais je me alors, dis... Moi, petit con. Mais du coup, attends, je peux dire quelque vas-y. Chose ouais. Mais du coup, la voiture a été volée. Ça, c'est réellement passé, comme dit Antoine. Mais attends, mais la voiture... attends, mais je vais y arriver. La personne qui avait la voiture, du coup, c'est lui qui a tué la personne. Non, bah non, c'est un corbillard. Ah bah merde. Ouais. Il y a quand même quelque chose qui me froisse. Dis-moi. J'aime bien que pourquoi pas reprendre une histoire qui est en partie vraie et modifier des choses qui font qu'elle rende faux. Mais là, en fait, toute l'histoire est vraie. C'est simplement la peine de prison que le mec prendra qui est différente sinon on ne connaît pas. Donc ça se trouve, sinon, en fait, vraie, le mec prendra, peut prendre quand même de la prison. Mais oui, non, mais je veux dire, tu prends pas de la prison pour un délit mineur comme ça. Bah, pour une voiture que tu voles. Non, mais ça se passe aux États-Unis. Oui, mais il faut que ça soit prouvé que ça soit pas lui qui l'ait volé, etc. Et en cas d'injustice, en gros, tu peux quand même te retrouver à faire de la prison. En fait, je trouve que le contexte est. Bah, je me dis qu'en fait là ton histoire elle est vraie. Ouais. C'est juste en fait je vais vous accorder le point. Je dis juste pour les prochaines fois, tu vois, que au moins que dans l'histoire il y ait des choses qui soient changées. Ouais, parce que en soi l'histoire elle est vraie quoi. Ouais. OK. Bon. D'ailleurs, et en plus Antoine l'a reconnu, donc voilà. Qui c'est qui a piqué mon crayon ? Personne, Gasper. Oups. Il est devant toi. Non. Elle a mais il a toujours eu deux crayons. Toujours, parce qu'il y en a qui marchent pas. T'avais mis quoi, Thomas, en fait ? T'avais mis vrai, ouais, si. Ouais. Teddy. Alors. Teddy quoi ? Apprenant que son allocation chômage allait lui être retirée, s'il refusait un poste proposé par Pôle emploi, mais en Autriche. Ouais. Donc ça, c'est les concepts de Pôle emploi, effectivement. C'est quasiment la même chose, ouais. Oui, ouais. Effectivement, c'est un français. Et c'est la même chose en France. En fait, si tu refuses au bout d'un moment un poste, et ben Pôle emploi, il te sucre tes allocations. Au bout de trois fois. Je suis inscrite, donc je sais. C'est si il te propose deux trucs qui vraiment correspondent à ce que tu recherches et que tu refuses, là, il te redit. Ce que je viens de dire, grosso modo, mais avec moins de précision. Bah, si, au bout d'un moment. Là, je te précise, moi. Mais non, mais au bout d'un certain moment, si tu refuses trop d'offres. Ouais, mais si ça correspond vraiment à ton truc. Ouais. Même si tu refuses. Je pense pas. Non, parce que moi, on m'avait proposé. Bah, ils des proposent pas n'importe quoi non plus. Oh, enfin, si, tu rigoles ou quoi Tu rigoles. Ils m'ont proposé d'être maçon et coiffeur. Mais c'est que c'était possible. Est-ce que j'ai une. Oui, mais tout est possible. Oh mon dieu, Marine recrute. Je veux être une marine, non ? Bon. Bah oui, mais au bout d'un moment, il te suit quand même les occasions si tu refuses des offres, que tu les veuilles ou non. Oui, mais c'est... Bon, bref. Franchement, t'as pas fini ? Bah non. C'était que l'intro. Ah, bon merde, bah, dépêche-toi alors. Donc du coup, voilà. cet homme de 56 ans s'est coupé le bras avec une petite scie électrique et l'a ensuite jeté au feu pour pas que les médecins puissent lui recoudre. C'est par rapport à tout à l'heure, ce que t'as pensé à ça. Parce tout que... à l'heure dans la scie que tu pouvais te couper le bras pour la machine à tatouage. Peut-être, effectivement. Du coup, les secours sont intervenus à temps pour lui sauver la vie. Mm-hmm. L'homme ayant quand même perdu beaucoup de sang, bon, il était pas très bien, évidemment. Ouais, en même temps, oui. Bah, ça il souffrait de dépression, voilà. Bah, pour se couper le bras, ouais, faut y aller quand même. Hein. En gros, il voulait surtout pas se faire sucrer pour ses allocations chômage. Ouais. Oh l'enfoiré. Mais depuis. Il a trouvé un boulot en tant que testeur de prothèses. Lol, sérieux ? C'est étonnant. J'aime bien l'idée. Ah. Bah, rien que pour le... Est-ce vrai ou faux ? Ah. Là, pour le fun, je mets vrai. Ouais, je vais faire pareil. Bon, en fait, je sais pas si c'est vrai ou faux, mais bah, en ça fait, serait moi, drôle. Je dis vrai, mais je sais pas, il y a un truc qui me dit c'est faux. Oui, moi aussi, mais c'est pas grave, c'est fun. Alors, on a... Ah bah, Jolan, il dit faux. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Voilà, j'étais sûr, j'ai écouté le teint de sa voix, Teddy. J'en étais sûr. En fait, alors il y a bien un homme qui s'est coupé quelque chose, mais c'était un pied. Ah. Oh putain. Il teste des prothèses de pied aussi. Non, par contre, non, il a pas retrouvé de boulot lui. Mais moi, je me suis dit, tiens, vas-y, va trouver pas un boulot. Pied. Oh mais non. Il va se retrouver un petit boulot et de testeur de prothèses, je trouve ça assez cool. C'est clair. C'est rigolo. Là, c'est comme ça qu'on modifie. C'est comme ça qu'on fait Jolene. Ouais. Oh. Hey. Non, ça c'est bien. Et en plus, il y avait du fun. C'est pas de critique, s'il vous plaît. On fait tous des erreurs. Et après, j'aurais tellement aimé que ça soit vrai, tu vois. C'est vrai. Vous avez vu ou pas la vidéo avec Christophe de Chavannes dans... Ouais, en fait, on passe à la question suivante. Famille en or. Non. Un mec avait perdu ses deux mains et donc Christophe fait « Hey, vous avez la main !» Oh. Sans le faire exprès, j'imagine. Non, oh, je sais pas, il y a un moment, il a empilé les, ah, oui, les non, plaques, tu vois, okay, là-dessus, c'était drôle. Moi, je pense. Antoine. Alors moi, ça se passe aux USA. Ouais, aux États-Unis, oui. Mais je préfère les USA. Oui, non, mais j'aime bien parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on a des histoires aux États-Unis. Alors, par contre, moi, ça se passe aux USA. Ça change tout. Là, c'est un nouveau pays, c'est l'USA. Ouais, ok. Ah ouais, et du coup, ça signifie quoi, USA ? États-Unis. Non. Après, c'est United States America. C'était pour ça qu'il fallait pas le dire, fallait le laisser galérer tout seul. Mais bon, j'avais deux premiers, j'avais pas l'Amérique. United States of America, je crois. Exactement. Ouais, quand même. Donc. Un pêcheur a réussi à attraper le plus gros. Il y a des pêcheurs aux États-Unis. Mérou d'un. Beaucoup. Le plus gros quoi? Mérou. Un mérou, poisson. Ouais, c'est un poisson. C'est un mérou que tu trouves au Pérou. Oh. Non, aux États-Unis. Oh, ah oui. Non, t'es dit, t'es nul. Non, mais c'est parce qu'en fait, le poisson était brun, mérou aussi. Ouais. Enfin, non, bon, allez, on passe à la suite parce que là, ça devient. Bon, ok. D'une taille d'un humain. Il pèse 159 kilos. Ouais. Ah, c'est pas humain ça! Et comme ça suffisait pas, bon, aux il a été estimé qu'il avait plus de 50 ans, le mérou. D'accord. Donc il serait aussi le plus vieux, mérou du monde. Ouais. Bah après, on sait pas, on connaît pas les eaux profondes. Bah, je suis pas très mérou, moi. Mais... Bon, c'est bon, je peux terminer ou voilà. Il me reste une phrase, je peux la finir? Bon, ce gros poisson a été pêché à plus de 180 mètres de profondeur. Bien. C'est quoi le... Et mais comment ils savent que c'est 180? Non mais je veux dire, la canne à pêche elle a pas pété, il faisait 159 kilos le bordel. Bah si ils savent parce que et son fil, il suffit de le mesurer, ça c'est pas un problème. Ou le... Mais je pense pas que ça soit avec la petite canne à pêche. Putain c'est lourd quand même. Ah il veut pas sortir cet enfoiré. Ah mais c'est peut-être avec un filet ou un truc du genre. La gardonnette. C'était quoi comme pêche? C'était un mec tout seul avec sa canne à pêche. La pêche au poisson. Il avait un harpon, il allait pêcher au Moby Dick, le mec. Ah mais quand même, parce que même avec ta barque, la barque... Non, à mon avis, c'est pas une barque qu'ils ont pris. Ah, hein. C'est ça, hein. Bah, un truc pour pêcher un truc de 159 kilos... Je dis rien. Bah non, mais bah si, non, bah, précision, moi. Ouais, ça, c'est dans l'océan. Dans l'océan. À 180 mètres de profondeur. Un mérou dans l'océan. C'est toi, le mérou. Bah oui. Bah après, ah ouais, je sais ah pas ouais, ce d'accord. Un mérou dans l'océan. Tiens, donne-moi ton stylo, j'écris pas. Je vais suivre Teddy. Tu vois, j'ai bien fait de poser des questions. Alors, ah, mais moi, il écrit pas mon stylo. En vrai, j'ai un mérou dans l'océan. Et puis, il y a même pas marqué. Sur ta connerie. Alors, attends. Pour moi, c'est faux. Ah, tu viens de me faire un brin d'air là? Eh ben non, c'est vrai. Allez, chef! Putain! Il vous habite trop le tonton! Il vous habite trop le tonton! Ah, l'enfoiré! Mais non! Oh, j'ai pas joué son jeu, j'ai pas joué dans son jeu. J'ai même pas fait gaffe en plus. Oh, vous êtes trop con, ouais. J'ai même pas un point. Je suis prêt à me sacrifier. Oh, le bâtard. Mais non, mais c'est pas cool. Mais si, mais c'est pas bon. Vous avez trop l'impression. Est-ce que je peux accorder un point à Tris qui s'est sacrifié quand même? Non, non, non, non, non. Un demi-point. Mais Teddy, t'aurais même pu mettre vrai parce que j'avais pas regardé ce que t'avais fait. Non, mais j'ai vu la tête de Teddy, j'ai fait putain, il est trop sûr de lui, ça sent pas bon. Bah ouais. Ça fait deux fois qu'il se sacrifie. Oh, je connais rien en Mero. Mais tu serais pas kamikaze dans le métier, toi? Si, si. Vas-y, je suis dégoûté, je suis en train de perdre là. T'avais combien, Thomas? T'avais mis quoi? Faux. T'avais mis faux? Ouais. Oh punaise, mais c'est l'autre aussi là. Ah, c'est à cause de grâce à Dieu, ça vous baiserait. Ouais, ouais. Il y avait de la vaseline en plus. N'empêche que pour l'instant, j'ai 3-0. Ah, j'ai fait sans vaseline. Donc, ouais, mais. Ouais. Bah, moi j'ai pour 2 points pour ma part. Hein. Il me reste plus que. 2 points pour ma part. T'as 2 points? Bah, ouais. Tu feras pas les jingles donc. Il me reste plus que la. Moi j'ai 0 aussi. Ah, ouais, d'accord, ok. Bah, moi aussi. Ton histoire, Anaïs? Oui, pardon. Donc ça se passe en Floride. Il n'y a pas la réponse, je cherche pas. Aux États-Unis. Encore aux États-Unis, c'est vrai. Ça. J'adore. Et donc avant la Saint-Valentin, donc il y a les autorités qui ont décidé de fermer une partie d'un parc parce que à ce moment-là, t'avais des serpents qui commençaient à fricoter entre eux. Il y a pas de serpents en Floride. Ta gueule. Il y a des serpents qui commençaient à s'accoupler dans un parc. Ça marche pas à chaque fois. Alors ils ont décidé de fermer ce bout de parc pour pas les déranger. Est-ce vrai ou faux? C'est tout. C'est tout. À vrai dire, j'ai 5 lignes. C'est quoi comme serpent? Il fricotait. Il fricotait. C'est quoi comme serpent? Il s'accouplait quoi. Il copulait quoi. Il s'accouple. Alors. C'est quoi comme serpent? Mais un peu de tout. C'est quoi comme parc? Voilà. Un parc animalier. Il est où? Est-ce Floride. Que je peux. Ah, il y a un parc en Floride. Alors. Ah. Est-ce que vous avez tous marqué votre réponse? Bon, bah alors je vous laisse. Je sais pas ce que. Ah, bon, ça y est, c'est Antoine, on va pas. Oui, aller. J'ai mis vrai. Donc, ouais, je pense que c'est. Jolan dit faux. Je pense que c'est vrai parce que ça doit être une espèce en voie de disparition et bah, pour le coup, ils se disent bah faut qu'ils s'accouplent pour reproduire l'espèce. Alors, c'est ça, vrai. C'est faux, donc, ça se produit une fois par an et c'est des serpents qui vivent, tu sais, au-dessus des branches là, de l'eau là. Ça s'appelle arboricole. C'est qu'au-dessus de l'eau, t'as des branches. T'as des branches. Bah, c'est des boas, non. Et ils vivent là-dessus. C'est arboricole. Et c'est des serpents non venimeux. Ah, bah, c'est pas des boas alors. Par contre, ils sont pas en voie d'extinction. Il y a pas beaucoup de. Bah non, il n'y a aucun serpent en voie d'extinction. Non, je sais pas, ça peut arriver. Pas, hein. Non, c'est juste que ça arrive une fois par an, s'il te plaît. Et ça coupe. Bon, ça me fait un Merci. Point, je suis content. Moi j'en ai deux. Moi j'en ai un. Mais j'en ai pas. Ah, mais il te reste une possibilité, Anaïs, de marquer un point. Je les sens pas. Hein. Ah merde, c'est qu'elle a la technique. Et t'es vous savez quoi, où on va aller? Ça, aux États-Unis encore. Aux États-Unis. Oh putain, mais. On a tous mangé des burgers ou quoi ce week-end? En même temps, là-bas, il y a des Américains. Et ouais, je veux pas dire, moi mon histoire elle se passe en Autriche. Ouais, c'est vrai. On s'en fout. Mais bah non. Les Américains, c'est quand même ceux voilà, qui nous font nos soirées d'actu solide. Hein, oui, sans eux, on est mort. Ils ont des histoires, what the fuck. Il y a tellement de choses insolites là-bas. Ah oui. Je vais prendre par exemple, c'est Ali. Tu sais quoi ça? C'est un nom? Marque de voiture ou quoi? C'est un nom. C'est Mohamed. Ça fait 2 ans Ali. Qu'elle arrose sa succulente. C'est une plante. Elle en prend grand soin. Et elle en est fière parce que c'est la première fois qu'elle arrive à maintenir une plante en vie. Avant, elle avait des plantes à les arroser, ça mourait, c'était la galère. Enfin, bon, elle était fière jusqu'au moment où elle a voulu faire une transplantation. Je rappelle que ça fait 2 ans qu'elle a sa plante. En fait, voulant faire sa transplantation, elle s'est. Transplantation, j'ai dit je bogeais ce soir. Transplantation. En voulant faire sa transplantation, elle s'est rendue compte que sa plante était une fausse plante. C'est-à-dire, elle a mis tellement d'amour en 2 ans et finalement, elle s'est dit. C'est faux, c'est une fausse plante. 2 ans perdus. Bon, il se dit que depuis, elle a pris racine dans son canapé et qu'elle a plus racheté de plantes, ni en vrai, ni en faux. Ça sent tellement l'histoire. Elle avait quel âge, la nana en question? J'en sais rien, moi. Quel âge elle a? C'était quoi sa taille de sein? Je sais pas. À peu près l'âge d'Anaïs. Je l'ai vu. Alors, on sa a taille vrai, de poitrine, c'était quoi? On a beaucoup de vrais et un faux. De moi, quoi je l'ai vu, un c'est faux vrai. Plat. Bon. Vas-y, ta gueule! C'était une vraie histoire! Putain, mais je me suis dit, il faut avoir moins de cons pour pas différencier une fausse plante et d'une vraie. On est bah d'accord. Non, il y a beaucoup de cons! Je l'ai vu, alors, moi aussi! Alors, attends, pour sa décharge, apparemment, la succulente, elle a des comment? Des feuilles qui ressemblent un petit peu à du caoutchouc. Donc, voilà, ouais. Pour la distinguer, vraie ou fausse. Mais, cela dit, c'est vrai que pour attendre 2 ans et se dire, tiens, mais elle grandit bien ma plante en ce moment, je vais pouvoir faire une transplantation, tu vois. Et de se dire, au bout de 2 ans, c'est la loose quand même. Oh, elle bah a merde, partagé c'est ça dans les réseaux sociaux. Au final, elle a pas bougé sa plante. Elle a pas bougé. Elle se dit, elle grandit bien, mais. C'est toujours la même depuis 2 ans. Comme quoi, le pouvoir du cerveau, tu vois. Oh, la balaise tombée, elle avait pas de cerveau, elle. Hein. C'est pour ça que je t'ai demandé l'âge. Vous êtes sûr, elle aurait été vieille, ça aurait été compréhensible. Ah, pourquoi tu me regardes, toi? T'es sûr que t'as pas une troisième sœur jumelle? Je ne pense pas qu'elle soit si vieille que ça, parce qu'elle a partagé son histoire sur les réseaux sociaux. T'as des mamies qui ont des Facebook. Hein. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tous les cas, voilà, c'est vrai que ne faites pas ça. Tu m'as bien eu, là, sur ce coup-là. Moi, je l'ai vu. Du coup, je me pose une question. Les scores, ça donne quoi? Combien? C'est ça, c'est qui? Moi, ça fait 2 pour moi, monsieur. 2 pour moi aussi. Antoine? 2. Et ben, Anaïs, je te déclare avec pas moi, faiseuse de jingle pour la suite de l'émission. Super. Voilà. Et c'est quoi le mot imposé pour ah, vous? Ah oui. Attends, on en donne qu'un seul. On va donner que celui de. C'est qui commence? Moi. Anaïs. Comme Anaïs. Ça, qui commence? Allez. Ok, tu vas avoir le mot scotch. Ok. Bon. Attends, que je vais faire un truc. Facile. Genre prendre la feuille là, qui est là, et je fais au hasard un doigt et. On non non. Parce que je suis tout nombre sur. Non. C'est dommage, j'en avais un avec scotch. Ouais, mais c'est pour Anaïs. Bon bah Anaïs, le scotch. Et pour Théo, bah on va lui dire tout à l'heure. Gaïch. Gardons. Est-ce que j'ai le droit de récupérer mon stylo? Ah ouais, vas-y. Merci. Oh, fallait que j'en... Gardons un petit peu de suspense. Ouais. Ce qui arrive, c'est la chanson d'ActiSolid. Chanson YOLO Music que nous avons composée nous-mêmes avec nos petits doigts. Ça arrive dans un instant sur Indestar. Et avant cela, une vraie chanson qui a été composée par un vrai artiste. C'est J.R. Stephens, ça s'appelle Give It Up et c'est maintenant dans Indestar et dans ActiSolid. Vous avez choisi d'écouter ActiSolid sur Indestar. Il est maintenant 23h01 et arrive le meilleur moment de cette émission, c'est-à-dire le moment où je vais scotcher la bouche de Théo à l'aide d'un scotch, comme le mot l'indique. Et enfin, un peu de tranquillité et de silence. Allez, un peu de sérieux, c'est le moment de chanter et c'est parti. Ouais. C'est loin de la bonne chanson. Ouais, on peut la mettre dans les YOLO Music, ouais. Mais attends, c'est un gros truc. Les Tribal Kings qui ont commencé genre en 2008 et qui ont terminé en 2008, quoi. C'est... Ouais, ils ont fait qu'une musique. Mais même avant 2008, je crois. Pour moi, c'est une grosse musique. Attends. Ils ont été très célèbres, ils ont. Attends. Tu vas me dire que tu kiffais ça. Non, mais non. Bah, non, mais non, si, mais non, me si, dis pas ça. Si. Oh là là là. Alors, je dis pas que je kiffais ça parce que j'aime pas trop. Les Tribal Kings. Je sais même pas qui c'était. Mais. Ils ont fait que ça. YOLO Music, c'est genre une musique que t'écouterais jamais à la radio, enfin qui passeront jamais à la radio. Ah si, il y a plein de musiques que tu alors... Tu sens de la merde, je suis d'accord. Non, attends, on n'a pas dit que c'était de la merde, la YOLO Music. C'est de la musique. C'est pas loin. J'ai du mal des fois à faire la différence entre merde et... Non, en fait, la YOLO Music, c'est la musique que t'assumes pas, tu vois, pour moi. C'est la musique que tu vois, tu mets dans c'est ta playlist secrète et que tu vas pas, tu vas genre en soirée, hey, les gars, j'ai une musique. Tu ouais, vois, mettez façon sexe. C'est quoi YOLO? YOLO, c'est genre on s'en fout, on s'en bat les couilles. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, on y va, on fonce. Voilà, donc c'est le genre de truc, mais là t'assumes pas. Ou alors j'aime bien t'assumes avec sexe. 3 grammes. Quoi. Mais oui, moi aussi j'aime non, bien. Non, mais alors là je peux plus rien pour vous, les gars. Il y en a qui écoutent bien Tragédie alors. Oh là là là là, qui écoute Tragédie? Bah toi? Non, mais non! C'est pas un truc des années 90? Mais non, c'est 2003, Tragédie. Eh, tu connais la musique? Eh oh! Bah oui, je la connais, évidemment que je la connais, mais c'est pas pour ça que je l'écoute. Par contre, ils ont fait une musique, ils ont disparu. Oh, c'était la fin. Ah, mais non, mais comme Tribal King, c'est pareil. Je connais pas. Bon. Comme Edith Piaf. Mais ils sont cool quand même, si, parce que. Tu connais Tribal King, je viens de le mettre. Ah, c'est ça? Mais, bah, ils reviennent souvent en fait dans les top top des musiques des années 90 ou 2000. De quoi, Tribal King? Ouais. Je sais pas. Ouais, ça date de genre 2006. Mais comme Tragédie aussi, on en parle beaucoup parce qu'ils ont fait une musique et qu'elle était célèbre. Mais non, c'était de la merde. J'ai pas dit que c'était bien. C'était de la merde, on est d'accord. Je suis pas fan, moi. Tragédie, ils en ont fait plusieurs. Merci, Jolan. Bon. Ouais, ils en ont fait plusieurs qui sont passés hors antenne. Ils ont été jetés à la poubelle. Passons à nous maintenant. Parce que nous aussi, on fait des musiques qui ne seront jamais diffusées à la radio. Ce qu'on appelle bah, si. Bah là, on fait quoi là? Ah bah oui, en fait. Mais qu'est-ce qu'on prépare là? C'est pas faux. Chaque semaine, on vous concocte une musique hein, dans ActiSolid pour vous la passer. Je crois que t'as des informations où tu voulais poser des questions justement sur la musique d'aujourd'hui. Oui, j'avais des questions. Alors, comment t'es venu l'idée de composer cette musique? Ah, parce que c'est moi qui l'ai composée cette musique. Oui. Bah écoute, en fait, c'est une musique. Alors, c'est marrant parce que je l'ai écrite en yélé humaine. Mm-hmm. C'est un pays, hein, le Yémen. Et oui, il est où ce pays exactement? Alors, il est entre le Yémen et. Le nomen. et le domaine roncochon. Qui est un peu plus haut, bah, c'est des terres ancestrales, hein, des terres qui étaient occupées par des Vikings à l'époque et qui ont été reprises par des Indiens par la suite. Oui. Et cette musique est très forte hein, en termes de comment je dirais, de paroles, hein, d'implication parce que elle aujourd'hui c'est la journée des femmes. des droits de la femme. Les droits de la femme. Pas des femmes. Oui, droits des droits de la femme. C'est autre chose. Et bien justement, cette chanson, elle parle des droits de la femme. C'était pas le 8 mars ? Non, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Normalement, c'est. T'es sûr, je crois que c'était hier. C'est... Ouais. Ah, bon, bah, enfin, bref. c'est pas grave, parce que on est. Voilà, c'est dans son pays, je sais pas comment tu l'as dit. C'est peut-être aujourd'hui là-bas. Le lien est humain. Voilà, c'est peut-être là-bas le journée. Exactement, parce qu'en fait, c'est avec le décalage horaire. Exactement. Voilà. Donc, ça parle des droits de la femme. Ça soutient un petit peu. Hein, voilà, on a fait une musique engagée, quelque part. Et vous utilisez quel alphabet là-bas ? Ah ben, par contre, effectivement, vous allez écouter la chanson, sauf si vous êtes du lien humain. Vous n'allez pas comprendre, forcément. C'est pour ça qu'on vous explique un petit peu de quoi parle la chanson. Voilà. Parce qu'on s'est chanté dans une autre langue. Voilà. Par contre, en termes de style, c'est un mélange entre du reggae. Il y a un petit peu d'autotune qui a été utilisé aussi, tu vois. Donc on est dans la modernité, mais en même temps, un peu de Jul, un peu de Bob Marley, et un petit peu d'autre chose. Et ça donne une musique qui s'appelle Sniff the Parsons and Chin Kramtish. Je te confirme, c'est pas français. C'était presque allemand. Ouais, c'est un mélange. Hein. Mais j'ai mal prononcé aussi, j'ai pas l'accent. Ah oui, voilà. On écoute, on en parle. Ouais. C'est parti, c'est la new music d'Indestar d'Acti Solita. Puisqu'on est sur la route, baby. On s'en doute, hey. Champagne, a console of cream, like six of the cream. I fuck about the dream, they hand on it. Baby, count on the cream, dedicated dance. I can't be damn, I won't sit there. A lock in the large gyms on camp. Walk a camera, hide my hands on fire. I beg it out the green, not the grids that come. Make the set dream sun. Have the dream, not the chucks on the creek come. Office get arms in trim thumbs. I'd sing like a puppet on the bing bong bing. The green down kiss like don't play down hail on the grey guy game. On the king bong game. On the ting him on the chain. On the king bong game. So green down laughing on the green guy. The green down have freedom. Laughing on the chain. On the green down never run down. Left guns laughing on the green. On the green down gun love. Just green I got a galaxy, I pocket a galaxy, a lamb, babe. Okay, not a scream. I pick some bacon, okay. Like a milli dead chili, yeah. So dear, I won't be. I would be like spinning by the jeans of the game. A sauce in the hair, a pot in the air. A book in the gills, in the house, in the hair. What's it? So green donkey, one dog gym. A combo gear like a game, now green around. Ring down here, a warm ding line, ding down here. Beats that from King Long, rocking all the kicking all the ding down here. Long way, bong, hot chung, walking all the game and all the bang, bong, how long get long. Perfect all the game and all the bring, bong, get bong, hey, bong, ra ra ra ra, like clear, bong, get long. Hi, I want to give my the drink, bong, get bong, get long. Your cream, warm beam, love rainbows, keep my baby. Warm beam, love scream, like beam on the grey, by the grey, green, grey, green. Je suis désolé, hein, mais ça vous sent. Voilà, voilà. Oh, mais pour le coup, je suis sûr d'avoir déjà entendu cette musique. De quoi ? Mais oui, elle est très célèbre cette musique. Mais elle est très célèbre, oh, oui. Yele Human. Mais oui. Et tu sais qu'elle va faire le tour du monde, un peu comme le. Oh non, ouais. Chanson qu'on aura l'occasion de vous interpréter la semaine prochaine, voire la semaine d'après. On a choisi un thème sympathique. Exactement. Chaque semaine, vous avez d'ailleurs une nouvelle musique à découvrir. Dans Actu Solide, et des fois, c'est du français. Des fois. Dans un instant. Pas tout le temps. On a la manifestation insolite de la semaine pour terminer cette émission. Mm-hmm. Avant cela, on aura de la bonne musique et un jingle avec un mot qui est geisha. Geisha. Aïcha. Ok. Aïcha, écoute-moi. On aura pu écouter ça. J'aimerais bien écouter ça. Ouf, ouais, vous avez pas envie d'écouter la rentrée d'Aïcha ? Franchement, non. Juste pour dire non à Anaïs, je dirais non. Quoi ? Tu veux pas franchement non, pas moi cool. Je suis d'une Lindsay Sterling. Non. Ah ouais, ouais, ouais, non. Ouais, ouais. Alors, c'est soit Aïcha, la reprise Aïcha, de Suzanne Aïcha. Vega avec Tom Steiner, soit Aïcha. Ah bah Aïcha. Ah bah, Je vais écouter Tom Steiner alors. Ouais, okay. Moi aussi. Non. Moi aussi. Je préfère. Aïcha. Et bah tant pis pour toi, Anaïs, on écoute Tom Steiner. Reprise de Suzanne Vega. Démerde-toi pour le manif, hein, je te le dis. Par Anne-May Canterate. Ah ouais, c'est la ta ta la la ta ta la la ta ta ta ta ta la la ta ta. Et c'est une cover ça. Bah oui, j'ai dit que c'était une reprise de Suzanne Vega. Ah. Ta ta ta la ta ta la la ta ta ta ta ta la la ta ta la la. Oh bah putain. Ta ta ta la ta ta la ta ta la la ta ta la ta ta la la. Sarah, c'est pas trop difficile à retenir. C'est non facile plus, à faire la musique. Le lundi soir, c'est le début de la semaine. T'as les boules. Mais que tu sois geisha, Kazuma, hein, bon, bref, ou samouraï, sache que tu peux écouter Actu Solide sur Indestar, la meilleure émission ever. Par contre, cette émission n'est pas traduite en japonais. Konnichiwa. Excellent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Yakuza, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, c'est ça le Kakazuza. Ou... oui. Je cherchais Yakuza comme mot. On s'est tous posé la question, mais de quoi il nous parle Et t'as fini par penser que c'était dans le jingle. Bah ouais. Bah moi aussi. Mais non, c'était Yakuza que je cherchais. Ah ouais. Tellement mal écrit. C'est toi qui as écrit, hein. Bah oui, en même temps, c'est normal. Mais tu sais que j'ai l'écriture d'un médecin, mais je n'ai pas le talent. Alors, ah, je te confirme. Par contre, j'ai essayé ce week-end, on parlait de tournage tout à l'heure, j'ai essayé de me déguiser en infirmier. Tout le monde m'a dit, hey, ça te va bien. Oh. Ça, c'était ce que on, les compliments qu'on m'a sortis le samedi. Mais normalement, les infirmiers, ils sont beaux, tu vois. Ouais, non, et ben, normalement, dit, ils sont pas forcément beaux. Non. Et jeunes. Non, normalement, les infirmiers, ils sont jeunes. Ouais. Et ah non, c'est les chirurgiens, pas forcément les doués. Trucs comme ça qui... Alors, en parlant de jeunes, le dimanche, ça, c'était les compliments du samedi. Le dimanche, on m'a sorti 4 fois que j'avais des cheveux blancs. Ouais. Parce blanc. Que t'es en plein jour dehors. Ouais. Vachement moins cool. Blanc ou blond? Blanc. Blanc. Blanc. Parce qu'on était en plein jour dehors et ça se voyait sur des petites perles blanches dans ses cheveux. C'était parce que c'était les reflets du soleil. C'est normal, à plus de 60 ans, ça commence à... Non, j'ai pas de cheveux blancs, je suis blonde vénitienne. Voilà, exactement. On termine Actu Solite. Par une chaque semaine par une manifestation insolite, tout à fait. Faites quelle par est cette moi. Manifestation insolite? C'est un salon mondial du tatouage. Ah bah ça va bien, hey, avec mon objet de tout à l'heure. Mais oui, grave. Ouais. Donc ça a lieu ce week-end, donc entre le 13 et le 15 mars. Oui. Je suis sûr c'est à Paris. Au... Mais tais-toi, chute. Mais tais-toi, chute. Au parc de la Villette. Donc... De la Villette. Je connais la pas, Villette. Pardon, je connais pas. Villette. C'est à Paris. Normalement, oui, tout à fait. Bref, donc c'est... Ouais, donc à Paris. Ils annulent pas à cause au du coronavirus. 19e arrondissement. Pardon. Tu rigoles, mais si. Ah, merde. Enfin, pas, celui-là, je sais pas, mais deux trucs. Bah non, mais limité à 5000 comme tous les autres. Ouais, c'était. On est passé à 1000, hein, je crois. What 1000 ouais. Non. Ouais, oh, bah autant annuler. Ouais. Bon, si donc, c'est pas annulé, ça aura lieu. Et donc, il y a des amateurs donc, qui sont passionnés et curieux de tatouage, hein, qui viennent à la rencontre de 420 tatoueurs. Ouais. Donc, au programme, il y a des stands de professionnels, des expos. Des séminaires. Exposition de quoi? Des séminaires. Des tatouages. Ouais, sans bah je pense des expositions ouais. De leur modèle, de leurs arts ouais. En fait. Mais tu sais que aussi, j'imagine. Je peux faire une petite parenthèse justement sur les salons de tatouage. Non. Enfin, bah si. Fermez la parenthèse. Je demande. J'y suis allé à celui de Tours en région Centre-Val de Loire. Ah. Et c'est impressionnant, je trouve. Qu'est-ce qui est impressionnant? Bah des fois, forcément, t'as des mecs qui Oh. T'es dit arrête. Il fait un tatouage. Ouais non. Est-ce qu'il tatoue devant toi? Il y en a qui tatouent oui, devant toi. Oui, il y en a qui tatouent. Ouais. Il y a des, tu vois les gens qui sont exposés, ils sont tatoués. Tu passes et tu les vois en train de se faire tatouer. Et tu vois des fois ils font des grimaces. Ça pourrait l'air peut-être. Bah ouais, ça te dégoûte d'aller te faire tatouer. Ouais. Ouais, mais quand t'entends tous des bzzz, des bzzz, bzzz, ah j'aime pas ça. C'est comme le salon du dentiste. C'est ça. Venez vous faire détartrer les dents en direct. Ouais. Mais c'est ou le salon du miel. C'est une expérience sympa. Partout. C'est une expérience sympa parce que tu vois des looks complètement, enfin que tu vois pas tous les jours. Quoi. Oui. Genre des mecs qui sont chauves qui vont être tatoués sur toute la tête et tout. Ouais. Moi, le plus bizarre que j'ai vu, c'était cet été. Ouais. Le mec s'était fait tatouer derrière un code-barre. Genre la Hitman. Alors avec, ça c'est normal. Sa date de naissance en dessous. Ça c'est normal. C'est la Hitman. C'est une référence ouais, à un domaine du jeu vidéo. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais ça. C'est pourri. Ouais, non, mais c'est con. C'est ouais, mais c'est, non, ouais, mais justement, c'est une référence à un domaine de. Enfin, c'est une référence à un jeu vidéo culte. Ouais. Ouais. Et c'est Hitman. En fait, oui, c'est dans le principe, en fait, c'est des clones et ils ont tous un code barre. Je suis d'accord, mais moi, par exemple, qui adore Sonic, je me suis pas fait tatouer. Un hérisson? Ben non, ni un hérisson, ni des comment on appelle ça, des trucs à l'arrière là, des éclairs. Mais non, non, il a pas d'éclairs Sonic. Pas d'éclairs Sonic. Oh là, il est bleu. Oui, mais c'est pas Pikachu Sonic. Hein. Des pics, oui, si on veut. Mais ça peut crinière, pas se tatouer, voilà. Ça se rajoute. Ouais, mais si tu peux te rajouter une crinière à l'arrière, c'est oui, envie. Oui, oui, oui. Ouais, jamais je ferais ça. J'ai pas dit imagine le mec mais qui est fan de Mario, il se fait tatouer des. Ah bah alors ça arrive, ça c'est sûr. Il vient plombier. Possible. Possible. Ou ils tabassent des tortues dans les eaux. Oh là là là. Ou alors ils adorent les schtroumpfs, ils deviennent gendarmes. Ouh. Mais rigolez pas, c'est vaut pas mieux grave. Pas que tu croises les flics ce soir, toi. Ah bonjour, vous écoutez sur Actu Solita. Oh non, je suis pas mon pyjama. Et du coup, c'est à Paris, c'est ça? Oui, ça. À la Villette. Okay. Mais bon, c'est bien arrondissement. Si c'est ça, le mec le plus chelou que t'as vu, moi j'ai vu bien pire que ça. T'as vu quoi? Notamment, il y a un mec qui s'est fait tatouer le corps à 98%. Voilà, il voilà, y a ça. C'est Matt Pokora. Non, c'est rien, Mac Pokora. Non. Mac Pokora, c'est un petit joueur. Ouais, et t'as un autre mec aussi, il est fan de crâne de tête de mort. Oh, et oui. Du coup, il a voulu ressembler à une tête de mort. Non. Donc pour ça, en gros, il s'est fait une ablation des narines. Du coup, il a plus de nez, grosso modo, comme Voldemort. Mais du coup, il a jamais enrhumé. Bah, je sais pas, mais tu vois un peu, c'est bizarre. Et il s'est fait couper les oreilles en fait. Mais à quel moment t'as le droit de faire ça? En Amérique, t'as les droits. Il s'est fait aussi tatouer les yeux. Oh, ah oui, blanc des yeux. Ouais. Ah oui. Ace Ball, ça s'appelle. C'est tout en noir. Dangereux, mais ouais, bah, tu peux devenir aveugle. C'est dangereux si c'est mal fait, effectivement. Tu peux devenir aveugle et c'est irréversible. C'est okay. Ça. Mais c'est tout en ça noir. Ça fait super. Hein. Il s'est fait tatouer aussi tout la noir, tous les globes oculaires noirs. La zone autour des yeux noirs. Mais j'ai eu mal à vous comprendre, voilà. Ah, mais je dis pas qu'ils sont compréhensibles. Et les gens se retournent un peu quand ils passent dans la rue. Ah, bah oui, oui. Moi, c'est vrai qu'il est un peu pas commun. Je vois un mec comme ça, je fais. Moi perso, je trouve ça. Après, voilà, il y en a, ça leur va super bien. Mais non, mais oui, ça leur va. Je vais pas dire que c'est bon. Non. Après, pas sans nez, je veux dire. Sans oreilles. Les yeux. Je vais pas mettre tous les gens qui ont des tatouages dans les stéréotypes qu'on connaît, mais ceux-là par contre, c'est les mecs trop extravagants comme ça. Il s'est fait fendre la langue en deux aussi au passage. Et il a aussi la scarification sur le torse, comme je te disais. Oh là là. Oh mon dieu. Et encore une fois, tu le gardes toute ta vie, t'imagines. Le papy en maison de retraite. Si tu veux, mon avis, il sera mort avant. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, quand ils font beaucoup trop de trucs avec leur corps, ils meurent. Prématurément jeune. Non, mais le pire, c'est la maison de retraite. Imagine s'il va à la maison de retraite. Le nombre d'arrêts cardiaques qu'il va avoir. Il n'y aura pas en maison de retraite. Ah, mais il a dit que. Il y a très peu de chance. Admettons s'il y va. Bah ouais, mais non, mais si tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de personnes vachement tatouées et tout ça en maison de retraite parce qu'ils meurent avant. Ne faites pas de tatouage. Je dis pas que c'est dangereux, mais. Plus vous faites de tatouages, plus vous mourrez jeune. La théorie, c'est la théorie. Non pas médicale, mais la théorie d'actu solide. Il va avoir des tatouages, mais peut-être pas autant que ça parce qu'ils vivent pas très longtemps. Comme ils étaient dit, un corps rempli à 98%, tu imagines tout l'encre qu'il y a sur. C'est toxique hein, pour le sang ou ce genre de truc. Bah, ça dépend, non, mais il y a si tu utilises de l'encre de mauvaise qualité par exemple, t'es dans la merde. Oui, aussi, ouais. Si, je sais pas s'il te loupe ou s'il va dans tes veines. Ouais, potentiellement, effectivement, c'était. Il y a toujours des risques, mais bon, après, c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des tatoueurs et tout ça, ils font attention et c'est. Voilà, certes, c'est sécurisé. Mais tu multiplies les risques en faisant des trucs de plus en plus risqués. Face, voilà, exactement. Tu tatoues tes yeux, c'est plus risqué que la peau. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser par rapport au tatouage. Est-ce que vous aimeriez bien vous en faire un? Non. Oui. On a dit oui, on a dit. Antoine, t'es dit. Ouais. Moi, ça pourrait être jouable, mais je sais pas encore quoi faire. Ouais, faut être sûr. Ouais, c'est pareil. C'est ça, faut être vraiment sûr de trouver un concept qui plaît. Thomas, t'en penses quoi? Bah, Thomas, pose-lui pas la question, il en a déjà. T'as déjà des tatouages? Oui. Ouais. Où ça? Une grosse tête de mort sur la fesse droite. Ah, bah oui, j'avais pas vu. Il en a un sur le bras ça, aussi. Ça sert à rien, on voit pas. Ça, et heureusement que t'as pas le code barre derrière avec la date de naissance. Eh, imagine, tu passes à la ça caisse. Il pourrait se le mettre sur le côté. Et tu es en projet d'en faire d'autres? Plus tard, ouais. Ouais? T'aimerais quoi? Faut voir. Ouais. Une tête de mort. Et toi, Jojo, tu voulais faire un loup, c'est ça? Ouais, mais en fait, j'ai changé d'avis. D'accord. Il veut faire une tortue. Non, mais ça correspond plus à son carbone. J'ai pas faire de tortue, non, mais c'est que. Non, je donne des images comme ça, puis je vois si ça plaît aux gens, puis déjà, ça me plaît à moi surtout. Ouais. Mais après, pas forcément des images, genre déjà vu, fais un truc genre que personne a, tu vois. Genre un petit logo des stars, tu vois. Ouais, non. Un loup-poule, je veux un loup-poule. Sur internet, c'est compliqué de pas trouver des trucs originaux. Pardon. Bah non, mais tu peux dessiner. Alors toi-même, non. Moi, je sais. Dessiné par quelqu'un. Oui, je sais pas dessiner, c'est ça le problème. T'es pas obligé de faire un truc original. Ouais, mais. Regarde, par exemple, moi, Amélie, on en veut un en commun. Donc, par exemple, on va se. Comment on dit? Le yin et le yang. Non, pas... mais non. Si. On va se assembler trois images pour en faire qu'une, tu vois. Ah. Bah, ça va être très moche. On va se reproduire. Non, mais non, mais on va se reproduire. Vous allez vous reproduire. Et ça veut dire que quand t'es au lit avec ton copain, tu dis il manque la troisième pièce. C'est la pièce rapportée. Allez, où non, notre... merde. Attends, comment on dit? On s'inspire de trois trucs différents en fait. Tu vois? S'il y en a une qui meurt. Ça veut pas dire que c'est un bon concept votre truc, ouais. Ça veut pas dire que c'est un bon concept votre truc. Ah non, mais après ça pue la merde. Non, mais tu fais. Non. Elle, après, non. Tu fais pas n'importe comment. Tu elle est où la pièce du puzzle? Bon, elle est partie. De toute la manière, ça reste de l'art, donc ça reste assez libre en même temps. Ouais, c'est un peu ce qu'on veut au final. Si mais après, voilà, tu demandes au tatoueur de te le dessiner. Ouais. Hein, tu, moi, bah, je pas le forcément, fais pas tu peux demander à un dessinateur ou à ton entourage qui dessine. Demandez-moi, je vous fais une voiture. Moi, il y a un truc que je trouve impressionnant dans les tatous, c'est que t'as différents modes de tatou. T'as les tatous qui sont les plus classiques, les plus connus avec les aiguilles. Et t'as les tatouages traditionnels japonais. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non. C'est pas plusieurs aiguilles en même temps? Non, du tout. C'est un petit bâtonnet, genre tu vois les c'est de l'acupuncture ça. Et genre le mec qui fait clac clac clac clac clac comme ça, tu sais, avec le petit bâton. Ah, il appuie dessus. Et t'as l'aiguille qui te rend dans, et ça fait encore plus mal. Ils font ça aussi en Thaïlande. Moi j'ai vu ça en Thaïlande. C'est un marteau piqueur le truc. Bah, les Japs, c'est les Asiates en gros, ils font ça. Mais c'est pas eux qui font ça, c'est en Nouvelle-Zélande. À l'ancienne, avec leur pic en métal et tout. Non, c'est en Thaïlande, ils font ça avec des bambous. C'est une tradition thaïlandaise. Ah, bah vous, c'est pas des Japs les Thaïs. J'ai pas dit que c'était des Japs, c'est des Asiatiques. Ça rentre dans la catégorie. Au départ, il a dit Japonais. Oui, mais les Japonais le font aussi. Ouais. C'est la tradition japonaise aussi. Attention. Je me suis renseigné. Attends, on joue pas avec les Japonais comme ça. Ouais. Antoine. Voilà. Non, moi, c'est par rapport à la religion. C'est quoi ta religion? Est-ce que je suis croyant, donc. Alors déjà, parle dans ton micro. Tu crois en quoi? Je suis croyant, donc. Enfin, croyant. Henri Berry. En lui. Hein. Henri Berry, en la bière. Ah bah, à chaque fois qu'il fait, Berry, chaque lui, fois qu'il fait une phrase, il se réfère à Odico Ribéry. Non, sérieusement, tu crois en quoi? Vas-y, dis-nous tout. Bah, je suis croyant, quoi. Mais je crois en moi. Non, mais je crois en Dieu. Ah oui, mais lequel? Oui, lequel? Bah, mon Dieu. D'accord, c'est son Dieu à lui. Le père de Jésus. Et Bob Marley. Ah, bah voilà, il est chrétien du coup. Oui. Voilà, c'est. Bah voilà. Bah, tu pourrais dire, je suis musulman ou je suis bouddhiste. Bah oui. Ils ont tous des dieux. Moi, je suis chrétien. Bah voilà. Ok. Donc, et j'hésite entre trois. Tu veux te faire tatouer Jésus? Ou Dieu? Non, tu sais pas à quoi il ressemble. J'hésite entre un serpent qu'entoure la croix. Ah non, ça c'est une pharmacie. Ça. Ouais, ça c'est. C'est le symbole dans la médecine. T'es con toi. C'est pas la même croix. Non, après si tu veux, faudrait qu'elle clignote là. Après si tu veux, c'est qu'en fait si tu veux, j'aime bien les serpents. J'aime bien les serpents, toi je me dis un serpent autour d'une croix, ça pourrait être sympa. Alors je veux pas dire, c'est assez ironique quand même ton truc, parce que si t'es croyant, tu te feras pas tatouer un serpent. Un serpent, c'est le symbole du mal dans la. Exactement. Serpentard. Non, c'est aussi la médecine, serpent. Alors oui, mais justement la médecine n'a rien à voir en religion. Non. En religion, ça, la médecine, c'est pas un symbole de. Enfin, c'est pas le serpent le symbole. Non. C'est pour ça que c'est assez. Donc bizarre. C'était ça ou. Ça peut être sympa. Un fil barbelé ici. Non, mais je vous explique. Ah, attention, je pique. Je vous explique. En fait, si Jésus revient. Non, mais c'est pas. Tu seras pas clouté. En fait, pour le fil barbelé, c'est qu'il y en a plein qui croient que c'est par rapport à la prison. Pour Prison Break. Il y en a qui croient que c'est par rapport à la prison. En fait, il y a deux significations. Soit par rapport à la prison, ou soit par rapport au Christ qui avait une couronne de. Merde, putain, cherche le mot. C'est pas de barbelé. Hein. Une couronne d'épines, c'est sur la tête. Ouais, c'est ah, ça. Oui. J'ai plus la plante. Par rapport à ça, en fait. D'accord. Ah d'accord. Ça, ouais. Tu vas te faire tatouer sur la tête. Je suis sûr qu'on voit la connotation, hein, mais bon après. C'est vrai. Après à voir. On va et plus donc, dire que tu fais de la prison. Non mais que... t'as dit 3. C'est quoi le troisième? Troisième, non, c'est pas par rapport à la religion. Ouais. Bah, c'est quoi? Et j'aime bien les histoires du barbelé. T'as l'impression que oui, c'est le mec qui s'est échappé de prison, il garde la séquelle quoi. Tu vois. Vous avez plus ça. Donc, le mec dissident quoi. Juste un truc pour revenir. On parlait tout à l'heure du logo d'Actu Solite avec le loupoule. Ma sœur qui est très fidèle d'Indestar a découvert cette semaine le logo. Et en fait, elle m'a dit ouais, il est trop bien le logo et tout ça. Elle veut, il faut qu'on le fasse en magnète pour mettre sur les frigos. Non. Elle m'a dit ouais, je veux ça sur mon frigo et tout. Ah, bah, un loupoule. Elle veut un loupoule sur son frigo. Ou des t-shirts aussi, c'est pas trop. C'est jouable. C'est rigolo. J'ai un contact, je vais lui demander de nous faire un loupoule. Ça voilà. Peut être jouable. Moi, tu sais ce que j'ai envie d'avoir comme pas forcément des badges. C'est pas Noël, hein. Je sais, mais j'ai envie d'avoir genre des t-shirts Indestar avec. Enfin, après, quand on aura les moyens, bien sûr. Un loupoule. Hein. Mais genre où t'as marqué Staff Indestar ou ce genre de truc. Ah, pour te sentir important. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, enfin, tu veux pas te faire tatouer le logo Indestar sur le bras? Non. Comme nous en tournage, quand on avait nos fameux talkie-walkie tout neufs. Ah, ouais. Ah, mon dieu, on a essayé les talkies, alors, qui sont censés émettre à 4 km. D'ailleurs, j'ai essayé les talkies, les gendarmes ils m'ont mal regardé quand je les essayais. Dans la rue là. Robert, tu me casses là. Ouais. Non, un toki qui est censé faire 4 km, ouais. Il fait 40 mètres le truc. Ah ouais, il est nul. Mais en bah vrai. Si, c'était pratique quand même. En vrai, mais... ça fait pro parce que Teddy qui va au supermarché. avec le kit, tu vois, c'est la petite oreillette. Genre le mec de sécu, ouais, c'est ça. Il a la caisse, tu vois, un peu baraque, machin, ouais. Ah, juste un peu. Franchement, la caissière l'a flippé. Hein. Attends, quand j'arrêtais des voitures, parce que du coup, un de mes tafs principal de régisseur, c'était de bloquer la circulation quand il tourne. Il y a des voitures, elle me dit, ah désolé, je vous avais pris pour un flic. Quoi, tout ça ? Sérieux ? Mais alors t'as pas la gueule d'un flic ? Mais alors qu'il y en a, il me dit, je fais 12 ans, il y en a, il pense que je suis un flic, juste avec un toki. Et bah les flics, récemment, récemment, on m'a demandé si j'étais en 3ème. Et tu sais qu'une fois, avec Antoine, je me souviens, on était à Sigogne, on s'était arrêté sur une place de parking. Et genre, j'avais mis un. Parce qu'on avait fait une partie d'airsoft, tu sais, pour se reconnaître dans les équipes, on avait des bracelets. J'avais un bracelet orange, donc qui fait symbole de la police, et j'étais accoudé sur la voiture, et les gens ils ont tendance à bombarder en sortant du village. Et là, ils ont il y a des gens qui se faisaient des appels de phare. J'ai fait, mais j'ai peut-être enlevé le bracelet. Faut faire attention avec toi. Oui. Si tu croises des vrais flics. Là par contre, t'es dans la merde. Mais il y a des caméras cachées comme ça, tu mets juste un bracelet ou un contrôleur dans le métro ou des choses comme ça. Et bah ouais, mais tout de suite les là, gens. On était trois jeunes. Ouais. On avait des figurants. Des trois jeunes qui avaient 12 ans. Ils sont passés en trottinette. Ouais. Ils m'ont vu et j'ai été les interpeller pour qu'ils fassent de la figuration dans le film. Ouais. Ils ont flippé leur race. Ouais. Et mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Ah désolé, on vous avait pris pour un policier, monsieur. Alors déjà, tu m'appelles pas monsieur parce que je vais vraiment t'embarquer. Et ça fait mal hein, quand on commence à t'appeler monsieur. Totalement. Arrête. Arrête pas moi à l'école primaire. Tu vois que j'ai bien kiffé le coup des toki. C'est assez drôle. Ça fait bien. Ça nous donne de l'important. C'est ça. Comme quoi, un simple accessoire. Hein. Comme un tatouage par exemple, c'est un accessoire. Ouais. Et ben ça peut tout changer dans sa vie. Ouais. Ou pas. En vrai, toi, Théo, ça, tu t'avais dit non. Hein, ah, c'est con. Moi, les tatouages, non, ça me dit rien du tout. Un piercing non. Un écarteur non. Ah, en vrai, un écarteur, j'aimerais bien. Ah, non. Moi. Non. Ah, c'est moche. Oh, c'est trop bien, arrête. Non. Faut aimer, faut voir. C'est spécial, moi, j'aime bien. Après, moi, j'aime pas, mais. J'aime bien, moi. J'avoue que même sur la jante féminine. Ouais. Oh, c'est sexy, je trouve. Je ne suis pas fan. Alors un quoi, petit tatouage, mais un tatouage non, un petit tatouage discret, tu vois, une petite note de musique, un petit truc, ça passe. Mais un gros tatouage, ben non, j'aime pas. Bah, aussi, mais un truc bien fini. Moi, je veux un truc d'heroic fantasy. Non, mais pas une grosse tache. Non. Genre un One Punch Man sur le. Non, un truc d'heroic fantasy. Ah, heroic fantasy. Tu vois, pas une fée. Non, mais je sais pas, un truc comme ça pourrait le faire. Bon, on verra bien. Ouais. Lundi prochain, retour d'Actu Solide. Avant, ça sera le retour de Starter. Et tout au long de la semaine, vous allez pouvoir profiter. T'as vu, il dit pas Starter. Hein. C'est vrai. Quoi, il a dit quoi ? Starter, oui. Mais non, mais t'as dit tout le temps Starter. Starter. Je le tape sur c'est mon accent. Je tape sur les doigts. Je lui disais tout à l'heure qu'il avait un accent. Des fois. Est-ce que vous pensez que c'est l'accent québécois ça. Non, c'est mon accent. Moi. Il y a un peu de ça. Demain, j'ai vu de la lumière avec Clément. Jeudi passion avec Joachim et Thierry, suivi de Peck Avenger. Une spéciale Star Wars. Donc grosse émission. Attendez-vous à finir tard. Ouais, au moins 3 heures. Et vite à conso vendredi et avant de retrouver la semaine prochaine avec toutes vos musiques préférées à découvrir tout au long de la semaine, notamment la musique de Guédré. Et cette histoire du petit ver de terre. J'aime beaucoup cette musique. Excellent. Je connais pas. C'est un petit ver de terre qui se balade. En gros, c'est une personne qui pêche. Un ver de terre. Un ver de terre. Non, le ver de terre. Bah non, un poisson. Non, oui, voilà. Le ver de terre qui va dans une truite. Elle pêche, pêche la truite. Titre. Il mange la truite. Il va aux toilettes. Attends, ça c'est comment ? Chie le ver de terre. Non, oui, le ver de terre a été dans la tombe de son grand-père avant. What the f... Tu vois ? Attends, mais attends, tu m'as perdu là. Il bah c'est quoi, ça. Il pêche ou il est dans... Le ver de terre, il a été dans la tombe de son grand-père. Oui. Ça veut dire que son grand-père a été bouffé par cette truite là. Exactement. Du coup, il a réussi à pêcher la truite ? Oui. Bon, bah, moi je vais y aller, bonne soirée. Les parents cuisinent la truite. L'enfant mange la truite. Et va chier après. Donc en fait, quelque part, il a mangé et chie un peu son grand-père. Tu vois l'idée ? Ouais. C'est très tiré par les cheveux de Guédré. Ouais, c'est normal, c'est Guédré. C'est Guédré qui interprète ça. Ouais. Okay. Cette fille-là est complètement tarée. J'adore cette fille-là. Elle a pas de tatouage. Ouais. Elle devrait se tatouer un ver de terre. Tête décachée. Faudrait se demander par si elle a une frise. Elle a une tête de. Non, elle a pas de tatouage à la frise. Ça précise. Elle a une tête de bébé sur. Ah ouais, d'accord. Parce que il a fait un geste assez bizarre. Vous voyez les gestes quand on secoue un checker, et ben il a fait le même geste. Elle a une tête. Voilà. C'est ce que je suis cherché le bébé. Ah, une tête de bébé mort. C'est horrible. Ah, le pauvre bébé, le secoue pas comme ça quand même. Il a une tête. Il y en a qui secouent les bébés. Oui. Bon. Ça fait bébé squeak. Bonne nuit. Bonne soirée, soigne des stars. Et n'oubliez pas de réécouter cette émission podcast. Ciao. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.